Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, la radiodiffusion française présente André Luguet, Pierre Dux, Pierre Bertin, Jean Val, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Marthe Mercadier, Monique Delaroche et Simone Renan dans Champignol malgré lui, comédie en trois actes, écrite en collaboration avec Maurice Desvalières. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Un élégant atelier de peintre. Personne. Un coucou sonne 8 heures. Puis, on entend une clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée au fond de l'antichambre qui s'ouvre. Ouf, j'y suis. Oh, que c'est bête. Tenez, mon cœur fait flac-flac. On l'entend battre. Oh, un homme qui a un commencement d'hypertrophie ne devrait jamais se lancer dans les escapades amoureuses. Enfin, je serai le mari, je serai venu jusqu'ici, calme, tranquille. Eh bien, je suis l'autre, en avant mon cœur. C'est bon, Victoire ? Oui. Elle va me faire une scène. Eh bien, entrez ! Oui. Oh ! Vous ! Vous voulez vous sortir ? Ah ! Elle sort du bain ! Mais fermez donc, voyons ! Mais tout de même, je ne veux... Oh, qu'est-ce que je vous avais dit ? Qu'elle me ferait une scène, hein ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Oh, les femmes sont drôles. Enfin, je serai le mari, je serai entré là, calme, tranquille. Je suis l'autre, on me flanque à la porte, voilà la vie. Et dire que voilà 2 heures que je fais le pied de grue devant l'hôtel de Madame Champignol, attendant l'heure propice pour entrer. Oh non, oh mais mon cœur. Il y a 2 choses qui me tiraillent. Mon cœur, par l'émotion, et mon estomac, par l'appétit. Je n'ai rien appris, moi, ce matin. Il avise la tasse de chocolat sur la table et la boit tout en parlant. Et je ne sais pas quand je pourrais prendre quelque chose. Ah, mais bon, les amoureux, ça ne mange pas. Il avale le reste de la tasse. Ah, ça, monsieur, mais que signifie cette conduite ? Angèle, je ne vous dirai qu'un mot. Il se fourre une rôtie dans la bouche. C'est l'amour. Oh, mais Dieu me pardonne. Vous me mangez mon chocolat ? Ah, c'est votre chocolat ? Il est bon. Comment il est bon ? Enfin, il était bon. Non, enfin, monsieur, c'est insensé. Quand je vous avais interdit de mettre les pieds ici, venir comme ça à 8 heures du matin. Ah, c'est pour ne pas vous compromettre. Oh, elle est jolie, votre raison. Enfin, on a dû vous voir. Mais non, je me suis dit, au contraire, c'est l'heure où tous les matins les domestiques sont en course. J'ai attendu qu'ils soient sortis. Et comme d'autre part, je savais que votre mari était en voyage depuis un mois, je me suis dit, elle est seule. Je vous avais défendu de venir. Je vous l'ai même écrit, n'est-ce pas ? J'entends que tout soit fini entre nous. Renvoyez-moi ma clé, cette clé que j'ai eu l'imprudence de vous donner. Si je suis là, c'est justement à propos de la clé. Elle m'a même servi pour entrer, la clé. Vous n'aviez pas besoin de venir, vous pouviez l'envoyer par un colis postal. Oui, j'y ai pensé, seulement on m'a dit qu'il fallait déclarer l'objet. Alors vous comprenez que je n'ai pas pu mettre sur la boîte clé de la porte d'entrée de l'hôtel de Madame Champignol. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, l'employé ? Oh, il n'y avait pas besoin de dire toutes ces choses-là. Ah non, et puis, s'il faut vous l'avouer, j'avais une autre idée en venant moi-même. Je me disais, non, le dernier mot n'est pas encore dit. Cette lettre de congé ne peut être définitive, et je n'en veux pour preuve que cette parole pleine d'espoir qu'elle contenait. Quelle parole ? Quelle parole pleine d'espoir ? J'entends que tout soit fini entre nous. Oh, vous avez trouvé de l'espoir là-dedans ? Dame, il n'est pas possible que tout soit fini entre nous, me suis-je dit, puisque rien n'a été commencé. Oh. Donc si elle commence par la fin, elle finira peut-être par le commencement. Oh. Angèle. Ah non, il n'y a plus d'Angèle, mon ami. Merci. À cette ces petites fêtes. Quelle petite fête ? Ah, celle de Fontainebleau. Bon, cela a été une veste. Cela a été le triomphe de ma vertu. Ceci n'est pas de votre faute. Vous croyez, monsieur ? Bon, je suppose que vous n'aviez pas consenti à aller passer 2 jours avec moi à Fontainebleau pour voir les carpes. Non, si vous n'aviez pas rencontré là ses parents de la province, votre oncle, comment s'appelle-t-il déjà ? Chamel. Il y a des gens qui ont des noms prédestinés. Quoi ? C'est un nom suisse. Il est suisse et... Si vous n'aviez pas rencontré votre oncle Chamel avec sa fille et son gendre, le petit singleton... Ah oui, parlons-en de cette rencontre. Oui, ça vous ressemble bien, ça. Il y a tant d'autres villes en France que Fontainebleau. tant d'autres hôtels que le Cadran Bleu à Fontainebleau. Et vous allez juste choisir la ville et l'hôtel où ils sont descendus pour leur voyage de noces. Est-ce que je pouvais le savoir? Eh ben, on s'informe. Bon, soyez tranquille. La prochaine fois, quand je descendrai dans un hôtel, je demanderai « Vous n'avez pas de chamelle dans la maison ?» Enfin, enfin, regardez les conséquences. Voilà des gens qui sont persuadés que vous êtes mon mari. Aussi, pourquoi leur avoir dit? Est-ce que je leur ai dit? Mais ne connaissant pas mon mari et vous trouvant seul avec moi à Fontainebleau, naturellement, ils en ont conclu... Que j'étais champignole. Et même comme votre mari est peintre, votre oncle n'a pas eu de cesse qu'il ne m'eût fait faire un croquis. Je lui ai fait la roche qui tremble. Faites par moi. Oh, je m'en souviendrai de ce voyage à Fontainebleau. Moi aussi. Heureusement que ces gens ne quittent jamais la province. Enfin, pour le moment, je suis décidée à en rester là. Allez, rendez-moi ma clé. Oh, rendez-moi ma clé. Ah, si vous voulez sérieusement que nous en restions là et que ça finisse comme ça, en queue de poisson... Oui. Mais vous savez bien que ce n'est pas honnête, car enfin, vous m'avez fait croire que vous m'aimiez. Que voulez-vous, mon ami? Vous êtes arrivé au moment psychologique. Mon mari était absent, j'ai fait votre connaissance dans le monde, vous m'avez fait la cour. Je vous ai plu? Non, je m'ennuyais. Mais j'ai pu le croire moi-même que je vous aimais. Mais puisque le ciel a voulu que je sorte intacte de cette équipée, je veux dorénavant rester fidèle à mon mari. Le tromper, lui, un des premiers peintres de l'époque. Ah non, non, je ne veux pas qu'on puisse dire de lui, comme on dit de tant d'autres maris, qu'il est... Vous dites? C'est pas moi, c'est la pendule. Ah, j'espère. Ah ben, ma foi, vous avez raison. Leur plâtrage en amour, ça ne vaut jamais rien. L'affaire est manquée. À une autre. Voilà comment il faut raisonner. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de renoncer à toutes ces intrigues qui ne peuvent vous mener à rien et d'épouser une brave petite femme. Vous en avez l'âge. Me marier? Ah ben, je m'en occupe. Vous en occupez? Et que ne le dites-vous? J'avais peur de vous vexer. Oh, c'est trop de délicatesse. Et qui comptez-vous épouser? Je ne sais pas. C'est une jeune fille qu'on doit me présenter demain soir dans un bal que donne sa tante, une madame Rivolet, que je connais très peu d'ailleurs. Et où ça, ce bal? À Clermont. Près de Creil. C'est un peu loin. Oui. La jeune fille est jolie? Si elle est jolie, 60 000 francs de rente. Oh, mais il n'y a pas à hésiter, voyons. Mais faites donc ça, mon ami. C'était bien mon intention. Ah, je ne l'aurais pas cru, d'après les propositions que vous venez de me faire. Tiens, ça, c'était pour avant. Mais après tout, vous avez raison, puisqu'il faut rompre, rompons. C'est ça, mon ami. Et maintenant, partez. Les domestiques n'auraient qu'à rentrer. Oh, mon Dieu, ce sont eux. Par où filer? Non, non, non, pas par là, c'est ma chambre. Oh, ma foi, tant pis. Mais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Madame, c'est moi, je reviens de faire les courses. Mais ça m'est égal que vous veniez de faire les courses. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais dire à madame, madame n'a pas trouvé mon mot hier soir. Votre mot? Oui, je me suis permis de laisser un mot sur la table de nuit de madame. Comme elle rentrait pas, alors, pour aller me coucher. Mais je vais le chercher, madame. Non, non, non, non, c'est inutile. Enfin, quoi? Qu'est-ce que vous me disiez dans ce mot? Je disais respectueusement à madame qu'il est venu hier soir un gendarme pour monsieur. Un gendarme? Mais qu'est-ce qu'il voulait, ce gendarme? C'est à cause des 13 jours de monsieur. Il paraît que monsieur est convoqué pour les faire. Mon mari? Un des premiers peintres de l'époque? Allons dedans, il les a jamais fait, ces 13 jours. Ben, c'est peut-être pour ça. Enfin, le gendarme a dit qu'il y a 3 jours que monsieur devrait être au corps, que c'est le dernier avis. Ah, ça c'est trop fort. Alors il s'imagine qu'on a que ça à faire. Eh bien, vous allez courir à la place tout de suite et vous direz que nous regrettons beaucoup, mais que mon mari est en ce moment en voyage. Vous direz qu'il fait le portrait de Monsieur Vanderbilt. Vous vous rappellerez le nom? Par conséquent, il ne peut pas faire 36 choses en même temps. Et il fera ses 13 jours quand il reviendra. Ah bien, madame, j'y vais. Mais a-t-on jamais vu ça? Oh, Joseph, ma malle est prête. Vous allez la faire descendre car je prends le train de 4 heures pour Paramé. Bien, madame. Emportez aussi la tasse de chocolat. Oui, madame. Oh. Il est parti? Oui, oui, et maintenant, vous prenez votre chapeau et filez. Oh, ça, je veux bien. Ah, madame. Oh, allez, rentrez. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est cette bonne que madame attendait de la province. Oui, et bien plus tard. Madame, elle est là? Entrez, ma fille, entrez! Oh, ce qu'il est assommant, ce garçon! Madame. Bonjour. C'est bien. Approchez, ma fille. Vous m'êtes recommandée par le curé de Châtellerault, un vieil ami de la famille. Ah, oh, bien, bravo. Il m'a dit que vous étiez une fille très recommandable. Ah, ça, madame, je peux le dire. Je suis dans une position intéressante. Vous dites? Oui, c'est ma mère qui m'a mise dans cet état-là. Votre mère? Ah, ça, voyons, qu'est-ce que vous chantez? Ben oui, ma mère. À la faute, ma mère. Vous devez pas savoir ce que c'est que ça, à Paris. Eh ben, c'est quand on s'est laissé contourner par un homme. Ben, à la fauteuil, quoi. Et avec qui? Avec le 5e cuirassier. Et même qu'elle l'a suivi, le 5e cuirassier. Et qu'elle m'a abandonné là, toute petite. Alors, ce brave curé, il a dit comme ça, V'là un bébé qui est dans une position intéressante. Oh, très bien, j'aime mieux ça. Et c'est lui qui m'a élevée. Lui? Oui, madame. Ainsi que ma tante Pichu. Ben, vous devez connaître son fils. Il est à Paris, commissionnaire. Non, connais pas. Oh. Mais voyons, voyons. Vous ne devez pas savoir faire grand-chose, vous. Oh, si, madame. Savons garder les vaches. Vous avez-il ça à Paris? Non. Savez-vous coudre? Oui, madame. Savons coudre, savons laver, savons danser. Ça, ça danser, ça m'est égal. Enfin, avec tout ça, vous n'avez jamais servi. Oh, madame, je suis rosière. Mais ça n'a pas de rapport, ma fille. Enfin, vous avez de la bonne volonté, nous essaierons de faire quelque chose de vous. Je veux que mon mari, à son retour, vous trouve une domestique accomplie. Ah, madame a un homme. Comme vous dites, oui. Il est en voyage, mais il doit revenir d'un moment à l'autre. Ah, ben, je serais contente de le voir, moi, ce brave homme. Alors, c'est bien. Je vous prends, et pour commencer, vous aurez 40 francs par mois. 40 francs en or? En or. Oh, que madame est bonne. Blanchie et nourrie. Blanchie et nourrie? Oui. Maintenant, allez. Oui, madame. Oh, madame. Quoi? Oh, si c'était un effet de votre bonté d'accepter ce panier. Ce panier? Oui, ça des œufs. Oh, je me suis dit comme ça, ça fera peut-être plaisir à la bourgeoise des beaux œufs de la campagne. Alors, je les ai bien choisis, les moins frais. Comment les moins frais? Oui, on m'a dit qu'à Paris, on mangeait jamais des œufs frais. Elle est d'un primitif adorable. Eh ben, c'est ça, allez, allez, ma fille. Vous vous appelez? Charlotte, madame. Alors, oh, ben, je crois que je suis tombée dans une bonne maison. Ouf! Et maintenant, lâchons l'autre. Allez, venez! On peut filer? Oui, dépêchez-vous. Allons! Et voilà pourtant comment finit un roman où il ne s'est rien passé. Adieu, Angèle, adieu. Angèle. Quoi? Puisque nous sommes peut-être appelés à ne plus nous revoir sur cette terre, laissez-moi vous donner le baiser d'adieu. Hein? Non, mais non plus un baiser d'amant, un baiser de frère. Ah, hein? Allons, soit, puisque c'est le dernier. Mais dépêchez-vous. Mmh. Oh! Oh! Oh! Monsieur! Monsieur! Monsieur qui est revenu de son voyage. Allons, bon, elle maintenant. Ah! Madame avait bien dit qu'elle l'attendait d'un instant à l'autre seulement. Je croyais pas que c'était un instant, si instant que ça. C'est bien, ma fille. Allez, allez, on ne vous a pas appelé. Oh, madame, c'est égal. Je suis bien contente d'être venue. Monsieur a-t-il fait un bon voyage? Est-il pas fatigué? Oui, enfin... Je suis Charlotte, la nouvelle bonne. Oh, oh, oh, oh, oh. Allez, vous devez avoir besoin de vous délancer. Donnez-moi votre crotte. Mais non. Si, après le voyage, il y a plein de poussière, tenez, c'est plein d'ouille. Oh là là, ben, on voyait avec des manières. Et puis en voilà assez. Mais qui est-ce qui vous demande quelque chose? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ben, madame, j'étais venue pour vous dire que je trouvais pas ma chambre. Eh ben, allez, allez m'attendre à la cuisine. Bon, ben, je m'en vais, madame, je m'en vais. Bon, je vais lui chercher sa robe de chambre, ce brave homme. Oh, non, non, c'est trop fort. Vous avez entendu? Encore une qui vous prend pour mon mari. Oui, c'est un sort. C'est mon sort. Oh, aussi vous aviez bien besoin de m'embrasser. Mais est-ce que je pouvais savoir qu'elle allait entrer? Oh, est-ce que je pouvais savoir? Vous ne saviez que répondre ça. Oh, dame. Ouais, vous voyez le résultat. Allons, voyons. Est-ce que cette fois vous allez partir? Oui, je pars, Angèle. Adieu, adieu, pour toujours. C'est ça, c'est ça. Oh, ouf, m'en voilà débarrassée. Oh, c'est égal. Me voilà dans une drôle de situation avec cette fille qu'il prend pour mon mari. Je n'ai qu'un parti à prendre. Je vais la mettre à la porte aujourd'hui même. Tant pis pour sa position intéressante. Mais ma sécurité avant tout. 9h et je suis encore en peignoir. Moi qui ai des courses à faire. Oh, je vais m'habiller. Elle rentre dans sa chambre. Les chamelles, voilà les chamelles. Ils montent l'escalier. Vous me cachez. Et pincer. Vous, oh, la bonne surprise! Ne nous entendiez-t-on pas, nous fils Chapelion? Ah, oui. Comment c'était-vous? Oh, c'est curieux, je croyais que ça venait d'en haut, ou si je courais. C'était nous, oui, oui. Bonjour, monsieur Champignol. Bonjour, monsieur Champignol. Bonjour. Ah là là, la bonne surprise, alors la bonne surprise. Non, et vous croyez que c'est facile de sortir d'une maison? Vous ne nous attendiez pas, hein? Ben, si pour vous dire franchement, le fond de ma pensée, non. Oh. Là, tu vois, Morissette, je te l'a fait, il ne nous attendra pas, ton cousin. Il faut vous dire que je vais faire mes 28 jours. Oh, comme c'est amusant pour de nouveaux mariés. Mais tais-toi, petite, un peu de séparation, c'est bon pour les nouveaux mariés. Oh, ben non. Ça fut n'imaginez pas, Champignol, ils sont dégoûtants, ces petits. Oh, C'est des moineaux. Eh ben, des jeunes mariés, c'est bien permis, non? Mais oui. Et puis ça passera. Dites donc, vous ne voulez pas venir faire un tour? Mais non, pas du tout. Nous aimons mieux nous reposer. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire, Angèle, quand elle va me retrouver là, et avec la famille? Vous comprenez, nous avons déjà voyagé, et encore tout à l'heure, il faut que nous prenions le train de 10h pour le petit qui va faire ses 28 jours à Clermont. Ah, oui. Alors nous avons dit... Nous avons une heure à rester à Paris, nous allons aller la passer chez les cousins. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je disais justement à Madame Champignol, mais on ne verra donc jamais les chamelles. Eh bien, les voilà, les chamelles. Alors, tenez-vous, les petits. Oh, mais vous occupez donc pas de nous. Mais à propos, et Angèle? Angèle? Mais oui, Angèle, votre femme. Ah oui, Angèle, ma femme. Est-ce qu'on ne fait pas la foi? Ben non, je ne crois pas. Non, elle est souffrante. Souffrante? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, je ne sais pas. Depuis quelque temps, elle éprouve des vertiges, des nausées, des douleurs dans les reins. Mais je comprends. Mais compliments, mon cher. Oui, je comprends. Ouais, ben, il a de la chance. Ah, ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier? La voilà, Angèle. Et lui avec eux. Oh, bonjour, cousine. Ah, quel plaisir de vous voir. Eh bien, il ne manquait plus que ça. J'ai rencontré votre oncle dans l'escalier, c'est lui qui m'a ramené ici. Ah. Ma chère Angèle. Et à propos, il paraît qu'il y a du nouveau ici. Quoi donc? Champignol nous a dit tout, n'est-ce pas? Moi, quoi donc? Il paraît qu'il va bientôt vous rendre, mais... Comment il vous a dit? Non, mais pas du tout, mais... Vous avez dit ça, vous? Ah, ne le fais pas les bras. Mais laissez donc, mon oncle. C'est faux, entendez-vous? Allez, voyons, pourquoi le cacher? Entre mari et femme, c'est bien naturel. Mais pas du tout, ça n'est pas... Oh, mais est-ce que vous n'êtes pas fou d'aller raconter des choses semblables? Je vous assure, Angèle... Voilà l'enquête. Allons, bon, la bonne. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Oh, pardon. Excuse la compagnie, ça ne savait pas qu'il y avait tant de monde. J'apporte la jaquette à monsieur Champignol. On vous apporte votre veston. Oui, allez, monsieur Champignol, donnez-moi votre cote. Mais non. Mais si, mais c'est qu'il est fatigué, ce pauvre monsieur, il vient de voyage. De voyage? Vous venez de voyage? Petit voyage. Ne vous gênez pas, mettez votre veston. Mais mettez votre veston. Non, il m'installe. Oh, cet homme-là, il me rendra folle. Là, voyez, vous êtes bien mieux comme ça. Ah oui, ça presti, vous a fait maigri. Maigri? Ah oui, regardez. Regardez comme il est devenu large. Non, mais c'est exprès. Les vêtements intérieurs, je les fais toujours faire comme ça. Maintenant, je vais aller brosser votre cote. Mais non, pas du tout. Mais oui, ma fille, va la brosser. Je la mettrai près du lit de madame. Monsieur la retrouvera en se couchant. Oh, cette bonne. Vous voyez ce dont vous êtes la cause. Oh, cher ami, si j'avais pu prévoir... Oh, toujours la même chose. Et où avez-vous été en voyage? Ouais, mais j'ai pas été... J'ai été faire un portrait à l'étranger, à Tours. Un portrait? Ah, ben, au fait, ça me fait penser que j'ai quelque chose à vous dire. Hein? Mmh. Allons, bon, ils s'embrassent encore. Oh, quel moineau. Oh, voyons, papa. Mais ça ne se fait pas devant le monde. Oh. Tiens, regarde, monsieur et madame Champignol. Ils s'aiment bien, mais ils ne s'embrassent pas. Ils n'ont pas l'air de deux amants. Mesdames, allons, donnez donc le croquis, singleton. Le croquis? Ah oui, attendez, voilà. Tenez, le voilà, mon père. Ah, merci. Tenez. Oh, sapristi. Ma roche qui tremble. Ah, c'est mon croquis, oui. Oui, ah, il est joli. Oui, eh bien non. Hein? Il paraît que non. Non, oh. je l'ai montré à un marchand de tableaux. Il m'a dit, ça, un champignol, jamais de la vie. Tiens. J'ai eu pour dire que c'était là qu'on fut la féfée. Il m'a dit, eh ben si c'est un champignol, je fus en cache à le faire signer. Il y gagnera. Alors, je l'ai apporté. Le signer, moi? Faire un faux? Oh non. Non, les croquis, je ne les signe jamais. Ah ben, c'est pas... Non, on sait que je ne les signe pas. Alors, si je le signais, ça suffirait pour faire dire qu'il est faux. Ah, vous croyez? Alors je ferai mettre une étiquette avec champignol dessus. C'est ça, c'est ça. Eh ben, il pourra se vanter d'avoir un fameux champignon. Oh, il n'y a pas de quoi rire. Hein? Non, mais c'est vrai. Non, mais ils ne s'en vont pas. Eh bien maintenant, mon oncle, je vois que vous êtes pressé, je ne veux pas vous retenir. Hein? Moi? Non, non, non, vous gênez pas, je vous accompagnerai. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui dit ça, que j'étais pressé? Qu'est-ce qui dit ça? Nous devons prendre le train de 10h30 pour Clermont. 9h30? Oh, ben nous avons bien le temps. C'est que maintenant, si vous aviez affaire... Mais il y a si longtemps que vous n'êtes venu à Paris. Vous n'avez peut-être pas vu la Tour Eiffel. Oh, si. Je l'ai en épingle de cravate. En province, on ne voit que ça. Elle me dégoûte, la Tour Eiffel, elle me dégoûte. Alors Non, non, je vais rester ici. J'ai dit au petit... Nous avons une heure à passer à Paris, nous allons aller voir votre cuisine. Les petits, ils voulaient aller à l'hôtel parce que vous comprenez, hein? Mais je leur ai dit jamais de la vie. Aller à l'hôtel dans le jour, ce n'est pas propre. Ah, que c'est donc aimable à vous. Ils ne s'en iront pas. Mais dites donc, cuisine, si nous pouvions nous donner un coup de brosse. Hein? Parce que le chemin de fer... Mais oui, rien de plus simple. Vous en profiterez pour partir. Hein? Je vais vous accompagner. Fou, mais pas du tout. Champignol est là, il va nous accompagner, Champignol. Ouais, mais et puisqu'Angèle... Angèle va rester ici, elle ne doit pas se fatiguer, parce que dans son état... Encore? Mais puisque je vous dis que je ne suis pas... Mais laissez donc, allez, venez, Champignol. Oh là là... Je suis de la famille. Oh, la famille. Mais c'est donc une gageure. Tout le monde se mettra donc contre moi pour m'empêcher de sortir de ce pétrin. Oh, quelle leçon, mon Dieu, quelle leçon. Ah, madame, je reviens de la place. Eh ben, c'est bien, ça suffit. Mais non, madame, ça ne suffit pas. Comment ça ne suffit pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai dit ce que madame m'avait dit, que monsieur n'était pas là, qu'il était en voyage. Ils m'ont répondu que ça ne les regardait pas, qu'il n'avait qu'à être là. Comment ils vous ont répondu? Mais je les ferai attraper, moi, quand mon mari sera de retour. Vous ne leur avez donc pas dit que monsieur était en train de faire le portrait de monsieur Vanderbilt? Ah, si, madame. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu que ça nous fiche. Oh! Voilà la vérité, madame. Aussi, il serait peut-être bon que madame télégraphie à monsieur. Mais où voulez-vous que je lui télégraphie? Il est sur le yacht de monsieur Vanderbilt. Sur sa dernière lettre, il me mettait en mer. Je ne peux pas lui télégraphier en mer. C'est que c'est grave. Eh ben, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, madame. Ils m'ont répondu, c'est bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Eh ben alors, il fallait me dire ça tout de suite. Ils arrangeront ça. Vous croyez, madame? Madame, je me disais aussi, ça n'est pas possible. Mon mari, un des premiers peintres de l'époque. Mais oui, ils arrangeront ça. C'est bien. Allez, Joseph. Eh ben, je vais faire mes autres courses. Madame n'a pas d'autres commissions à me donner? Non. Ah bien, madame. Je les ai lâchées. Je file. C'est ça. Dépêchez-vous. Et mon chapeau? Mon chapeau. Mais qu'est-ce que vous faites, Champignon? Oh, les crampons, pincés. J'ai une course à faire, je sors. En ce costume? Oh, vous êtes rigolo. Oh, sapristi, c'est vrai. Et mon veston? Oui, mon veston. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Une visite? C'est peut-être un modèle. Une femme nue? Oui, monsieur, il est là. Tenez, ce champignon, c'est celui-là. Allons, bon, qu'est-ce qu'elle dit? Quelle dinde. Je vous remercie. Mais alors, c'est la tache d'huile. C'est à monsieur Champignol que j'ai l'honneur de parler? Non. Ah, oui. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Madame votre épouse, peut-être? Peut-être, oui. Madame? Oui, monsieur. Je vous présente ma grande fille. Enchanté, monsieur, j'aime beaucoup les peintres. Oui. Et maintenant que les présentations sont faites... Comment les présentations sont faites? Mais qu'est-ce qu'il est, lui? Eh bien, il s'installe. Pardon, monsieur, je voudrais le savoir. Oh, c'est juste. Oui. Capitaine Camaret, du 175e de ligne. En garnison à Clermont? Oui, monsieur, oui. Je dois même y retourner tout à l'heure, car je suis chargé des réservistes. Mais alors, mon capitaine, vous êtes mon capitaine? Oui. Capitaine? Mais oui, son capitaine. Vous êtes son capitaine? Oui, j'entre justement dans votre régiment. Oh, vous êtes bleu? Bleu? Conscrit, enfin. Non, mademoiselle, réserviste. En vérité. Est-ce qu'ils vont causer longtemps comme ça de leurs petites affaires? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, le capitaine? Oh, ben, monsieur sans capitaine, je vous le recommande alors, parce que c'est mon petit mari. Vraiment, madame? Oui, monsieur, depuis 15 jours. Comment, madame? Vous êtes mariée depuis 15 jours? Oui, mademoiselle. N'est-ce pas que tu es mon petit mari? Fuyons, Morissette, frère. Oui, ce sont des moines, non? Pardon. Pardon, mais... Attendez. Permettez-moi, mon capitaine, puisque vous êtes si aimable, de m'associer à la demande de ma fille. Je ne suis pas connu de vous. Monsieur? Chamel. Mes compliments, monsieur. Si vous pouviez être gentil pour le petit, hein, je vous le recommande. Oh, mais comment donc? Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Vous êtes trop aimable. Mais c'est bien le moins. Oh, et puis, n'est-ce pas, mon capitaine? Vous ferez bien attention qu'il mette ses gilets de flanelle. Oh, ça, mademoiselle. Oh, si. C'est qu'il n'est pas sérieux. C'est un enfant. Pardon, monsieur, mais tout ça ne nous dit pas ce qui nous vaut le plaisir de votre visite. Oh, c'est juste, madame. Eh bien, voici la chose en deux mots. Je fais le plus grand cas du talent de monsieur Champignol. Oh, monsieur, vous êtes vraiment trop aimable pour mon mari. Je ne suis pas le seul. Tout le monde lui trouve beaucoup de talent. Ah, oui, beaucoup de talent, Hein? Non, mais taisez-vous donc, vous. Il n'est pas modeste. Alors voilà, monsieur, il m'est venu à l'idée de vous demander de faire le portrait de ma fille. Moi? Oui, mais parce qu'étant menacé de m'en séparer d'un jour à l'autre, vous comprenez, il faut bien que je songe à la marier, cet enfant. Oh, comment, mademoiselle, vous songez à vous marier? Mon Dieu, oui, madame, il est question de me faire permuter. On s'occupe même déjà de lui présenter des prétendants, ou des prétendus. Mais c'est bien peine perdue, allez, parce que moi, j'ai ma petite idée. Charlotte paraît à la porte et introduit un jeune homme. Tenez, voyez dans le temps, monsieur. Ah, mon oncle. Ah, je vous demande pardon, madame. C'est mon neveu Célestin, le fils de ma sœur. Qu'est-ce qu'il veut que ça nous fasse? Messieurs, madame, vous m'excusez, mais j'étais si heureux de connaître l'atelier de monsieur Champignard. Que j'ai pris sur moi de lui dire de venir. Mais vous avez bien fait, monsieur. Oh, c'est super. Pardon, madame. Mon cousin Célestin, madame. Ah, monsieur. Vous trouvez beau? Oh, mais pas mal, certainement. Ah, voilà son idée. Je vous disais donc qu'au moment de marier ma fille, je voudrais en conserver un souvenir. Ah oui. Un souvenir. Oui, j'entends. Quel genre de... Rien. Un souvenir qui serait signé de votre main. Ah, certainement, capitaine. C'est précis, je ne peux pourtant pas faire le portrait de sa fille. Oui, mais c'est que mon mari a beaucoup de travaux pour le moment. Oh, un portrait si vite fait. Et puis je ne demande pas une chose énorme. Tenez, vous ferez ma fille comme ça. Il retourne une toile qui représente une Vénus sortant de l'ombre. Comme ça? Oh non! Non, mais de cette grandeur. Ah, bien. Tiens, c'est amusant, ça. Est-ce que c'est beau? Bah, madame, vous voyez? Oh, vous savez, moi, je connais rien. Un tableau, un chromo, pour moi, c'est kiff-kiff. Mais je croyais que vous faisiez le plus grand cas des tableaux de monsieur Champignol. Oh, mais j'en fais le plus grand cas pour le cas qu'on en fait. Vous savez, au fond, on n'achète pas les tableaux parce qu'on les aime. On les aime parce qu'on les achète. Oh, bien. Pourvu que vous me fassiez ma fille ressemblante. Oh, il a froid, il a tant de talent. Voulez-vous que je vous montre un petit gros qui? Ah non, ouais. Mais si, regardez le tableau. Oui, c'est curieux, ça. Oh, la grosse dame, surtout. Quoi? Quelle grosse dame? C'est la roche qui tremble. Ah, c'est la roche qui tremble. Charmant. Trop charmant. Eh bien, puisque tout est entendu, mon cher monsieur Champignol, nous viendrons poser vendredi. Ah, vendredi, c'est que... Vous ne pouvez pas, eh bien, jeudi. Mais non, c'est... Mais si, enchanté, monsieur Champignol, d'avoir fait votre connaissance. Et celle de madame également. Désolé de vous quitter, mais je suis obligé d'aller prendre mon train pour Clermont. Faites donc. Allons, fillette. Eh bien, viens, Célestin. Monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Alors, je peux continuer? Mais oui, c'est entendu. Oh, mais nous vous accompagnons. Et n'est-ce pas, mon capitaine, soignez-le bien. Oui, c'est ça. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, nous voilà bien. Un portrait à faire. Mais comment vous tirerez-vous de tout ça quand il reviendra? Ah, je sais pas. Moi, j'irai le trouver. Je lui dirai qu'au lieu qu'il vienne chez moi, j'irai chez lui. Mais le portrait? Eh ben, je le ferai. J'apprendrai à dessiner. Ah, ce sera du joli. Oh, là, là, là, là. Quel charmant capitaine! Oh, il est charmant. Ça fait 5 letons. Ça fait de la chance d'être trompé sur un capitaine comme ça. Ce qui fera fou gâter. Oh! Ah, oh, mon Dieu. Oh, déjà 10 heures. Bon père, nous allons dire adieu au cousin et à la cousine. Nous n'avons que le temps d'aller prendre le train pour Clermont. Ah, c'est juste, oui, je vous demande pardon, mes amis, de ne pas rester plus longtemps. Allons, viens, Morissette. Bon. Allons, allons chercher nos manteaux. C'est ça. Nos chapeaux. Oui, papa, voilà. Voilà. Croyez que je suis bien désolé. Oh, mais ben, nous, oui. Donc. Mais restez donc, voyons, restez donc. Ouf, ils s'en vont. Oh, maintenant, à votre tour d'en faire autant. Allez, mettre votre veston. Il est là, tenez, dans ma chambre. Oui, j'y cours. Oh, quelle journée, mon Dieu, quelle journée. Charlotte entre suivie de deux gendarmes. Entrez. Des gendarmes? Monsieur Champignol, s'il vous plaît. Monsieur Champignol, qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis chargé par la place de Paris de venir opérer l'arrestation du territorial Champignol. Mon mari? Arrêtez, monsieur Champignol? Oui, madame, comme insoumis. Oh, c'est trop fort! Où est-il, madame? Mais monsieur, il n'est pas ici, il est en voyage! Comment en voyage? Oh, taisez-vous, voyons! Désolée, madame, mais dans ce cas, je vais fouiller l'appartement. Fouiller l'appartement? Chamel entre suivi de Singleton et de Morissette, leur paquet à la main. Méchantâtre, allons, bon, mon oncle! C'est sans doute vous qui êtes monsieur Champignol. Moi? Jamais de la fille! Vous en êtes sûr? Ah oh ben, tiens, parbleu! Saint-Florimond sort de la chambre habillée. Ah oh ben, le voilà, Champignol! Oui? Oui? Gendarme, emparez-vous de ce monsieur. Oh, oui? Allons, allons, un peu vite et ne répliquons pas. Mais non, mais non, monsieur, c'est impossible! Désolé, madame, mais c'est la consigne. Je dois amener à son corps où il devrait être depuis 3 jours. Le territorial Champignol. Comment, vous faites votre jour? Mais non, mais pas du tout. Alors, voyons, voulez-vous venir? Mais jamais de la vie, moi. Eh bien, allons, empoignez-moi cet homme. Mais j'en ai un. Oh, comment vous, sur Clermont? Sur Clermont? Sur Clermont? Mais non, il ne faut pas l'empoigner comme ça. Oh, mais attendez, au revoir, ma nièce. Oh, ce pauvre Champignol. Allons, beau-père, allons, nous sommes en retard. Au revoir, cousine, au revoir. Oh, non, non, ça c'est le coup de la fin. Arrêtez, lui, à la place de mon mari. Mais dites donc, madame, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne vous regarde pas. Vite, allez me chercher mon manteau et mon chapeau. Bien, madame. Ah oui, oui, ça c'est le seul parti à prendre. Courir à Clermont, mon mari n'est pas là, j'éviterai peut-être un scandale. Voilà le chapeau, madame. Bien, et maintenant je vous donne vos 8 jours, vous partirez ce soir. Madame, me chance? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui m'a plu. Qui a plu? Mais c'est parce que j'ai fait ce qu'il y a plu comme mal à peau. Mais... Madame sort? Oui, ma malle est en bas, Joseph. Oh, mon Dieu. Oui, je pars pour Paramé. Ne m'attendez pas ce soir. Oh, quelle aventure, quelle aventure. Dites donc, la petite, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit en bas, qu'il est venu deux gendarmes pour arrêter monsieur? Mais ce que c'est, moi, je m'en moque pas mal. Et qu'est-ce que vous avez? C'est qu'on m'a fichu à la porte. Allons, allons, voyons la belle enfant. Oh, pas bah, les pattes. N'êtes pas banquier, n'est-ce pas? Ah, madame. Eh ben, je vous céderai pas. Oh, je vais faire mes paquets et remporter mes œufs. Oh, pauvre petite. Oh, c'est égal, envoyez-nous une affaire. Les gendarmes qui sont venus chercher monsieur. Ils ont dû partir bredouille. Ah, ben, c'est ça qui va lui faire une histoire. Joseph! Hein? Monsieur Champignol! Champignol entre en costume de voyage, un sac de nuit dans une main, et dans l'autre, une boîte à couleurs et un chevalet. Ouf! Me voilà de retour. Ah, venez vite, Joseph, débarrassez-moi. Bon, c'est pas la peine, monsieur. Il faut que monsieur parte tout de suite. Comment? Tout de suite. Partir, mais pour quoi faire? Et pour faire ses 13 jours, les gendarmes sortent d'ici. Monsieur est déserteur. Hein? Joseph lui prend son sac de nuit et lui donne à la place une valise. Voici votre valise. Mais ma femme, où est-elle? Madame, elle n'est pas là, mais partez, monsieur, mais partez. Mais où est mon corps? À Clermont, monsieur, 175e de ligne. Ah bon, je me sauve. Mais donnez-moi une toile, je veux peindre là-bas. Voilà, monsieur. Ah, merci. Oh là là là là, bah, moi qui croyais que j'allais être tranquille. Ah, quelle aventure, là, là, quelle aventure. Les baraquements de la caserne de Clermont. Le corps de garde, la cantine, et en face, l'entrée de l'hôtel du Cheval Blanc. Des réservistes sont placés sur 2 rangs, dans des costumes divers, les uns en civil, les autres en costume panaché, avec un képi comme coiffure. L'adjudant fait l'appel. Dubois. Présent. Planchet. Présent. Champignol. Eh ben, Champignol. Puni de prison, mon lieutenant. Ah oui, c'est l'insoumis, ce territorial qui a été amené hier par la gendarmerie. Et maintenant, les réservistes. Benoît. Présent. Pinson. Présent. La Fauchette. Me voici. Me voici. Qu'est-ce que ça veut dire, me voici? Mais ça veut dire que je suis ici. Ne faites donc pas le malin, vous, l'homme au melon. Vous n'entendez pas vos camarades qui répondent présent? Je croyais que je... Mais on ne croit pas. On répond présent. Singleton. Singleton. Eh ben, il n'est pas là, Singleton. Singleton. Singleton. Morissette sort précipitamment de l'hôtel du Cheval Blanc, suivi de Singleton en civil, puis de Chamel. Dieu, voilà la peine! Oh, dépêche-toi, tu vas te faire punir! Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà! Eh, ben vous arrivez, vous! Pardon, monsieur, permettez-moi d'intercéder pour lui. Je suis son beau-père. Ben, fichez-moi la paix, vous! Ah, bien, monsieur. Oh, au revoir, mon chéri! Adieu, ma mignonne! Oh. Mmh. Eh, ben dites donc, là-bas, vous n'avez pas fini? Cédez-moi, non, cédez-moi, non. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Non, rien. Oh. Allez, viens, viens, Morissette. Viens, il n'est pas poli, le commandant. Viens. Il entre à l'hôtel, suivi de Morissette. Morissette qui envoie à Singleton un baiser que l'adjudant croit adressé à lui. Flatté, il salue Morissette, puis se retourne et se trouve en face de Singleton qui envoie aussi un baiser à sa femme et qu'il reçoit dans le nez. Tâchez donc de vous tenir un peu, hein. Mais j'étais avec mon garçon, il faudra vous habituer à être plus exact. Je vous dis, mon lieutenant, j'étais avec ma femme. Mais quand on est militaire, on n'a plus de femme. On la laisse au civil. Alors, voyons, placez-vous dans le rang. Vous avez de la chance que le capitaine ne soit pas là. Oh, le capitaine, il ne dira rien. Nous sommes très bien ensemble. C'est bien, silence. Ainsi, j'ai passé la journée d'hier avec lui. Assez, silence, je vous dis. Qu'est-ce qui m'a fichu des cosaques comme ça? Il y a 3 jours, c'était l'arrivée des territoriaux. Aujourd'hui, voilà les réservistes qui viennent s'ajouter. Ah, on n'en sortira pas. Je le ferai attraper par le capitaine. Et vous ferez bien. Adjudant. Où est l'adjudant? Oh, le capitaine. Ah, vous voilà, vous. Je viens de visiter le baraquement. Les chambres ne sont pas balayées. Les lits sont mal faits. Les planches à pain ne sont pas essuyées. Vous entendez, vous autres? Il n'y a pas de vous autres. C'est à vous que je m'adresse, adjudant. C'est bien fait. On l'attrape à son tour. Et puis ne riez pas, vous, le numéro 5. Que je n'ai pas à le dire, n'est-ce pas? Dites donc, il n'a pas l'air commode, le capitaine. Ah, si, je suis très brave homme. Je vous recommanderai. Ah, s'il vous plaît. Voilà les réservistes. Oui, mon capitaine, à partir d'ici. Les autres sont des territoriaux. Eh oui, je les connais. Tiens, c'est drôle, il me regarde, il n'a pas l'air de me remettre. Est-ce que vous avez le petit maigre là-bas? Vous avez des tics? Non, mon capitaine, non. Je vous dis bonjour. Ah, vous me dites bonjour? Vous marquerez 2 jours de consigne à cet homme-là pour dire bonjour à son capitaine. Et il ne me reconnaît donc pas. Singleton. Parfaitement. Singleton. Adjudant, monsieur a l'obligeance de vous dire son nom. Singleton. Vous lui marquerez 4 jours. Oh, ben, elle est raide. Dites donc, vous ne me recommanderez pas. Qu'est-ce que vous faisiez, adjudant? J'étais en train de faire l'appel des réservistes, mon capitaine. Et recommencez, à partir des réservistes. Benoît. Présent. Pinson. Présent. La Fauchette. Présent. Entrez dans l'an. Il marque mieux que les autres, celui-là. Votre profession? Coulissier. Cabotin. Comment cabotin? Alors, continuez. Singleton. Présent. Bloquet. Présent. Valence. Pardon, prince. Quoi, prince? Prince de quoi? Prince de qui? Prince de Valence. Ah, vous êtes prince. Et qu'est-ce que vous faites en dehors de ça? Rien. Ah, vous êtes un prince qui ne fait rien. Eh bien, il faudra apprendre à ce prince-là à faire quelque chose. Présent. Présent. Oh, Presti, vous vous portez bien, vous. Pas mal, je vous remercie. Mon capitaine aussi. Je vous ferai voir à la salle de police si je me porte bien. Votre métier? Marchand de billets. Quoi, marchand de billets? Billets de quoi? Billets de spectacle. C'est vous qui embêtez le public, comme ça, à la porte des théâtres. Adjudant, si cet homme-là ne va pas droit, vous le fourrez dedans. Bien, mon capitaine. La mélange. Présent. Eh bien, jeune homme, vous me ferez le plaisir de vous faire couper vos papillotes. D'ailleurs, adjudant, il faudra me passer tous ces hommes-là à la tondeuse, hein? Alors, faites former le cercle. À droite, à gauche, formez le cercle. Réservistes, nous sommes appelés à passer 28 jours ensemble. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, arrivent avec des idées préconçues, franchissent avec terreur le seuil de la chambrée. Je tiens à vous dire que rien ne justifie cette terreur. Vous ne devez pas perdre de vue, au contraire, que le régiment n'est qu'une grande famille. Vous ne devez voir dans vos chefs qu'autant de pères hiérarchiques. Le colonel est le père de son régiment, le capitaine, le père de sa compagnie. C'est donc vous dire que je serai pour vous un père. Oh, brave homme. Le premier qui se tiendra mal à l'exercice aura 2 jours de salle de police. Le premier qui répondra à une observation, 3 jours. Le premier qui aura un brosseur, 2 jours de prison. Le premier qui sera surpris en état d'ébriété, 8 jours de prison, et ainsi de suite. Et maintenant, je compte sur vous pour me donner toutes les satisfactions. Comme vous pouvez compter sur moi pour vous rendre cette période d'instruction aussi douce que possible. Très bien. Adjudant, vous marquerez 2 jours de salle de police à cet homme-là pour ne pas écouter quand je parle. Bien, mon capitaine. J'ai dit. Rompez. Sur le centre aliment. Adjudant, allez voir si on peut mener les hommes au magasin pour les habiller. Bien, mon capitaine. Hé, repos. Ouf. Dites donc, il n'est pas commode, votre capitaine. Non, eh bien, dans le monde, c'est pas du tout le même homme. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ce gradé qui vient là? C'est un commandant. Oh. Capitaine Camarel n'est pas là? Voilà, mon commandant. Eh bien, capitaine, vous avez tous vos réservistes? Oui, mon commandant. Ils ne sont pas encore habillés? Je viens justement d'envoyer au magasin d'habillement, mon commandant. Bien, bien, bien, bien. Eh bien, adjudant. Et on attend les hommes, mon capitaine. C'est bien, emmenez-les. C'est ça. Je passerai la revue dans 1 heure, capitaine. Bien, mon commandant. Gardez-vous! Par le flanc gauche! Gauche! Ah non! Aïe! Anti! Anti! Hin-hé! Hin-hé! Au pain, là! Le numéro 4! Ah, c'est singueleton, parbleu! Voulez-vous aller au pas? Madame Champignol sort de l'hôtel. Oh, mon Dieu, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, toutes ces émotions, mon Dieu. Il faut absolument que je voie Saint-Florimond avec ses maudits gendarmes, je n'ai pas pu lui dire un seul mot. Ah, le capitaine. Madame Champignol. Ah, oh, madame. Si je m'attendais en vous voyant hier à Paris, avoir le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ah, ne m'en parlez pas. Capitaine, je veux vous demander un grand service. Je vous vois venir, madame. Vous voulez me demander à voir Monsieur Champignol, votre mari. Comme vous dites, oui, mon mari. Mais c'est qu'il est puni de prison. Enfin, comment n'a-t-il pas pensé qu'il avait ses 13 jours à faire? Non, vous savez, capitaine, les artistes sont si distraits. Voilà, voilà. Mon Dieu, madame, ce que vous me demandez là est bien interdit par le règlement. Oh. Enfin, pour vous, je veux bien faire cette petite infraction à la règle. Ah, oh, merci, capitaine. Voici justement les hommes punis de prison qui font la corvée de quartier. Je vais le faire demander. Caporal Gobon! Voilà, mon capitaine. Mon capitaine. Madame désire parler à son mari, le soldat Champignol, puni de prison. Faites-le venir. Bien, mon capitaine. Oh, capitaine, vous êtes trop aimable. Madame, mille pardons. Mais mon service me réclame. Mais faites donc, capitaine. Servez-moi un vermouth. Allons, avancez, et plus vite que ça. Qu'est-ce qui m'a flanqué un empoté pareil? Saint-Florimond entre en tenue de corvée. Bourgeron et pantalon de treillis sales, képi déchiré. Il traîne péniblement une brouette. Voilà, caporal, voilà. Angèle. Vous. Ah, caporal, vous auriez bien pu me dire de laisser ma brouette. Ah, c'est bien, madame vous a fait demander, je vous laisse. Je viendrai vous reprendre tout à l'heure. Oui, oui, oui. Vous, dans ce costume. Oui. Oh, c'est embêtant d'être vu comme ça par la femme que l'on aime. Oui, oui, c'est la tenue de corvée. Vous savez, c'est pas drôle, ce qui se passe depuis hier. Et pour moi, vous croyez peut-être que c'est drôle? Enfin, heureusement, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Comment tout s'est bien passé? Vous trouvez que ça n'est rien, toutes ces épreuves que je subis depuis hier? Emmené entre 2 gendarmes comme un filou, oh. Traversé comme ça Paris à pied, avec des gamins qui me suivaient en me meuant. Où j'ai rencontré des amis du cercle, qui faisaient « Oh !» en me voyant, et puis qui me tournaient la tête. Oh. Ah, si vous croyez que c'est agréable, et impossible de leur expliquer. Et avec ça, la foule qui s'amassait à mesure. Oh. Et il y avait surtout un petit pâtissier qui voulait faire le renseigné et qui disait à tout le monde « On vient de l'arrêter, c'est le vampire de Bois-Colombes. Oh. » Vous voyez d'ici les faits. J'ai vu le moment où il allait me ficher à l'eau. Mon pauvre ami. Oui, et depuis mon arrivée au corps, ici, si vous croyez que ça a été plus rose, on m'a vacciné, ma chère amie. On m'a vacciné. Oh, moi qui ai horreur qu'on me pique. Ça m'a démangé toute la nuit. Alors pour me remettre, ils m'ont fait coucher sur la planche, en prison, avec un choix de gens mal élevés. J'ai été dévoré par un tas de vermine. Mais, oh, il n'y en a plus. Je suis propre maintenant. Et enfin, ce matin, les corvées les plus répugnantes. Et en ce moment-ci, je brouette. Mais ce n'est rien. On m'a fait pincer l'oreille à Jules. Vous savez pas ce que c'est, non? Eh ben, non. Ne le sachez jamais. Ah non, oh, mais j'en ai assez. J'en ai assez. Voyons, du courage, mon ami. Après tout, 13 jours sont bien vite passés. 13 jours? Vous voulez que je reste 13 jours ici? Madame, vous avez pris le rôle de mon mari, il faut le tenir jusqu'au bout. Mais voyons, ma chère amie, je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. Non, voilà une raison. Il n'y a pas d'affaire qui tienne. Mais enfin, ce soir, j'ai ce bal chez Madame Rivollet. Ce bal où l'on doit me présenter ce parti superbe. Et mon ami, je ne vous empêche pas d'aller à ce bal. Comment? Justement, ça clairement. Ça va tout seul. Et si on peut vous donner une permission... Oh. Non, mais ce que je vous demande, ce que j'exige, c'est que vous fassiez le temps de mon mari jusqu'à son retour. Oh là là, oh là là là là, ben quand on m'y reprendra... Oh, et moi donc... Chut, chut, du monde. Les réservistes entrent en uniforme, sauf Badin qui est toujours en civil avec son chapeau haut de forme. Oh, oh, pige-moi cette balle! Oh, le prince! Ce qui dégoûte! Alors, c'est dégoûtant, ces vêtements. C'est vraiment dégoûtant. Tiens, une jolie femme. Prince. Plaît-il? Est-ce que vous la connaissez? Qui? Ah, non, pas du tout. Non, ça m'étonne. Savez-vous qui est cette dame? Non, et vous? Non. Singleton entre avec un uniforme trop large. Ah, me voilà en tenue. Ah, bien, vous, vous allez peut-être pouvoir nous renseigner. Oui. Quelle est cette jolie dame? Où ça? Là. Là, là-bas. Qui cause avec Champignol? Oui. Mais c'est Madame Champignol, c'est sa femme. Ah, c'est Madame Champignol. Et même ma cousine par alliance, messieurs. Ah, mais présentez-moi. Mais présentez-nous. Attendez, un instant, pardon. Bonjour, cousine. Oh, singleton. Singleton. Bonjour, cousin. Bonjour. Ma chère cousine. Bonjour, bonjour. Mes camarades. Oh, oh là, oh là. Messieurs, ma cousine, oh. Madame Champignol et son mari. Enfin, voilà. Mais t'y bête. Allons, allons, les réservistes, retournez dans vos chambres. Ah bon, bon, et vous, bon, et vous, bon, le petit maître, allez. Voilà, allez. Voilà. À tout à l'heure, vous autres. Alors, c'est bien entendu, n'est-ce pas? Je retourne ce soir à Paris afin d'être là quand mon mari reviendra. Je lui laisse ignorer qu'il a été convoqué pour faire ses 13 jours. Vous les faites à sa place et vous êtes sauvés. Allons, vous faites de moi ce que vous voulez. Monsieur Saint-Florimond, vous êtes un galant homme. Je suis un galant homme. Oui, je suis un galant homme, mais je suis bien embêté. Ah, je m'en souviendrai de mon aventure avec Madame Champignol. Eh ben, dites donc, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez permis de causer avec votre dame, mais maintenant que c'est fini, allez oust. Caporal, non, je vous dis, allez oust. Oui, mais... Il me semble que c'est français. Prenez-moi votre boîte et arche. Voilà, voilà, caporal. Oh, quel métier, mon Dieu. Champignol, en uniforme, tenant d'une main sa valise et de l'autre son attirail de peintre, une toile, une boîte à couleurs, un chevalet, arrive précipitamment. Ah, enfin, m'y voilà. Mon Dieu, je dois être porté déserteur. Il se heurte contre Saint-Florimond qui pousse sa brouette. Attention, vous. Un militaire. Je vous demande pardon. Allons, avancez-vous. Oui, caporal. Un caporal pardon, caporal. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Champignol, caporal. Champignol. Champignol. Puni de prison. Puni de prison. Voilà, ça y est, je suis puni de prison, c'était prévu. Ah non, ce qui m'arrive est inouï. Mon Dieu, il y a un peu de ma faute pour les 3 premiers jours. J'étais en voyage, je veux bien que ça ne les regarde pas. Mais pour le reste, j'aurais pu être là hier. C'est la faute de leur convocation. On me convoque à Clermont. Je ne connais pas Clermont-Oise, je ne connais que Clermont-Ferrand. J'arrive de Clermont-Ferrand pour le moment. Comme s'ils ne pouvaient pas spécifier. Vous me voyez à Clermont-Ferrand, cherchant partout les 175e de ligne. Eh bien, je leur raconterai ça ici, ils ne me croiraient pas. Ils se moqueraient de moi. Pendant ce temps-là, mon temps a couru et je suis puni de prison. Voilà. Je suis puni de prison. Ah, c'est bien fini. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, un officier. Je suis Champignol, mon lieutenant. Ah, c'est vous, Champignol, l'insoumis. Eh ben, et votre prison? Ma prison? Ah, c'est fini, mon Dieu, c'est fini. C'est fini? Eh ben, alors, rentrez dans votre chambre. Hein? Ah, bien, mon lieutenant. Eh ben, alors, mais qu'est-ce que me disait l'un l'autre? Ah, c'est égal, je ne pensais pas que ça s'arrangerait aussi facilement. Pas des gourdistes, là. Ça doit venir de la campagne, ça. Tu dans le loup, mon capitaine? Vos hommes sont en tenue? Oui, mon capitaine. Faites sonner pour l'exercice. Bien, mon capitaine. En même temps, je les verrai. Bien, mon capitaine. Tous les réservistes sortent précipitamment de la baraque. Ils sont tous en tenue, sauf Badin, toujours en civil, avec son chapeau de forme. Allons, lâchons-nous rapidement. Comment se fait-il que vous soyez en civil, vous? Mon capitaine, on n'a pas trouvé de vêtements à ma taille. Des vêtements? On ne dit pas des vêtements. Des costumes. On ne dit pas costumes. Comment ça s'appelle quand tout le monde est habillé pareil, hein? Quand on a un uniforme, comment ça s'appelle? Livré. Livré. Vous marquerez 2 jours à cet homme-là. Ah, c'est le marchand de billets, parbleu. Il veut faire le poseur. Quand on a un uniforme, ça s'appelle un uniforme. Crétin. Eh bien, je crois que je vais être heureux ici. Garde à vous! Champignol sort de la première baraque. Oh mon Dieu, l'appel déjà. Où faut-il me mettre, sergent? Où faut-il me mettre? Comment, mais il faut vous mettre à votre place habituelle. À ma place habituelle? Ça possible. Il se précipite à une place dans le rang et marche sur les pieds du prince qui pousse un cri. Il veut prendre alors la place de la Valange. Ah, c'est juste. Il veut prendre la place de Singleton. Pardon. C'est pas ta place. Ah, oh, ça, mais est-ce que vous avez bientôt fini de papillonner comme ça? Champignol entre dans le rang entre Singleton et la Fourchette. Voilà, voilà, sergent, vous pouvez commencer. Numérotez-vous. 1, 2, 3, 4. 4 bis. À droite, alignement fixe. Alors, tout le monde est là? Oui, mon capitaine. Voyons un peu. Vous n'avez qu'un tour à votre cravate, vous. Il faut 2 tours à la cravate. Vous n'avez pas de bretelles, vous? On vous a pas dit de mettre des bretelles? Si, mon capitaine, mais ça me gêne. Ah, ça vous gêne? Oui. Vous changerez les 4 jours de consigne en 2 jours de salle de police pour faire à son capitaine des réponses subversives. Ah, mais je croyais... On ne croit pas. Et puis taisez-vous. Oh, oh, mais il m'a dans le nez. Est-ce qu'il a l'air sévère, ce capitaine? Alors, c'est bien. Maintenant, caporaux, prenez vos escouades. Et commencez l'exercice. Par le flanc gauche, marche! Par le flanc droit, marche! Alors, au pas! Au pas! Ah, pendant que j'y pense, sergent Bellouette, faites venir le territorial Champignol. Moi? Mon capitaine? Est-ce qu'il vous demande quelque chose à vous? Mais... Est-ce que vous vous appelez le sergent Bellouette? Eh bien, retournez-nous à votre place. Ah, bien, bien, mon capitaine. C'est une girouette. Allez, sergent Bellouette. C'est vrai, j'ai pensé à une chose. Puisque je tiens Champignol, je vais lui faire faire mon portrait. Alors, commencez l'exercice. Je vais voir dans les chambres si c'est un peu mieux rangé. Garde-vous! À droite et à gauche, sur un rang, marche! À droite, aliment! Fixe! Et maintenant, les 28 jours, il ne s'agit plus de rigoler. Tâchez moyen d'ouvrir l'œil et de bien manœuvrer, ou sans cesse vous fourre dedans comme des tambours! Garde-vous! Mouvement horizontal des bras sans flexion en 2 temps, voici votre mouvement. 1, 2, 1, 2. Commencez. 1, 2, 1, 2. Ensemble, c'est vous, ça, c'est vous. Allons, allons-vous là-bas, c'est vous. Ah non, si le jury de peinture me voyait. Cessez. Vous n'entendez pas que je vous parle? Ah, pardon, caporal, je ne comprenais pas. Comment vous ne comprenez pas? Mais il me semble que je parle français. Non, Kiki m'a fichu un cosaque pareil. Kiki, il appelle ça parler français. Et puis vous, là-bas, le civil! On ne manœuvre pas en gibus! Retirez le gibus! Bien, caporal. Il retire son chapeau et ne sachant où le poser, le garde dans la main droite et manœuvre ainsi. Garde-vous! Mouvement horizontal et latéral des bras sans flexion avec flexion sur les extrémités inférieures. Voici votre mouvement. 1, 2, commencez. 1, 2, 1, 2. Dieu que c'est bête. Mon Dieu que c'est bête. Chamel sort de l'hôtel, suivi de Morissette. Il a une mine sur l'épaule, un panier de pêcheur en bois d'ouvrière. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Ça, alors c'est embêtant de faire le singe devant sa femme. C'est ça. Oh, du beau sexe. Allons, tâchez moyen de bien manœuvrer. Il y a de la galerie. Oh, oh papa, j'ai envie de l'embrasser. Ne fais pas ça, petite, ce n'est pas le moment. Attention là. Par le flanc gauche, gauche. Front. Tenez, regardez-moi cet idiot là-bas. Hein? Non, mais enfin, vous ne savez donc pas où ce qu'elle est, votre gauche, hein? Espèce de gourde. Oh, il m'appelle gourde devant ma femme. Oh, je veux pas qu'on parle comme ça à mon mari. J'espère, petite, ne te mêle pas de la discipline. Oh. Je vais vous dire, caporal... Je vais vous dire, caporal, regardez-moi cette air bête. Ah, je vous engage à ne pas vous marier, vous, ou sans ça, vous êtes sûr de votre affaire. Oh, de moi. Oh non, mais regardez-le-moi, en a-t-il une pochetée? C'est mon chandre. Ah, c'est... Par le flanc droit, droite. En avant, pas gymnastique. En avant, marche. Badin reprend son haut de formateur et le met sur sa tête. Puis, ils sortent tous au pas de gymnastique. Oh, oh papa, as-tu vu comme ce buteur a traité mon mari? Laisse donc, dans le militaire, ça ne compte pas. Oh. C'est la façon de causer. Mmh. Alors, comme ça, ça ne te tente pas de venir pêcher avec moi? Non, je t'abandonne. Pendant ce temps-là, je vais aller jusque chez cette madame Rivolet pour qui le préfet de chez nous nous a donné une lettre d'introduction. Ouais. Si nous devons rester 28 jours ici, autant que nous nous fassions des relations. Eh ben c'est ça. Fa, petit. Au revoir, papa. Au revoir. Bon, voilà. Moi, je vais profiter de ce que la brèche passe devant l'hôtel pour aller jeter un coup de ligne. J'ai remarqué ce matin, en me promenant certains petits fonds, où je crois que je prendrai du poisson. Les chambres sont mal tenues. Où est le sergent? Oh, capitaine. Oh, monsieur Chamel. Et où allez-vous comme ça? Mais je vais pêcher, mon capitaine. Je vais pêcher des petits cochons. Comment? Vous allez pêcher des petits cochons? Non, des petits cochons, des petits poissons. Ah, des petits goujons! Ben, qu'est-ce que je dis, des petits cochons? Ah oui, oui, oui, c'est ça, oui. Dites-moi, vous n'avez pas vu votre neveu Champignol? Non. Ah, qu'est-ce qu'il fait donc? Je l'ai fait demander. Saint-Florimond a quitté sa tenue de corvée et est en veste. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le capitaine? Je ne sais pas, il vous le dira. Ah, vous voilà, vous. Bien. Ah, bonjour, prisonnier. Prisonnier. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dites donc, sergent, je viens de voir les chambres. Elles sont à peu près dans le même état que tout à l'heure. C'est mal balayé, hein? Et puis, il y a des paquets sur les lits. J'ai dit que je ne voulais pas de paquets. Faites-moi ranger tout ça. Bien, mon capitaine. Approchez, Champignol. Mon capitaine. Comme vous n'êtes pas le premier venu, je vais vous faire une grande faveur. À moi, mon capitaine. Je vous dispense de toutes les corvées de quartier. Ah, mon capitaine. Seulement, vous allez prendre vos pinceaux et votre palette et me faire mon portrait. Comment? Je dis, vous allez prendre vos pinceaux et votre palette et me faire mon portrait. Oui, j'avais bien entendu. Ah, ben, il ne manquait plus que ça. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Mon capitaine, certainement, je suis très honoré, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi ça, vous ne pouvez pas? Parce que... Alors vous refusez? Mais non, mon capitaine, seulement... je n'ai rien de ce qu'il me faut pour ça. J'ai pas de pinceau, tout est à Paris. Oh, là, c'est embêtant. Ah oui, mon capitaine, ça, j'en suis le premier ennuyé. Vous pensez, mon capitaine, que si j'avais eu ce qu'il fallait pour peindre, j'aurais été enchanté, j'aurais fait ça séance tenante. Ah là. Oui, oui, c'est bien embêtant. Ah. Mon capitaine, tout est rangé dans les chambres. Il ne reste que ce paquet-là. J'ai tout un fourniment de peintre, une toile avec une boîte à couleurs. Une boîte à couleurs? Oui, oui, c'est un champignol, mon capitaine. Son nom est écrit dessus. Oh, ça, mais qu'est-ce que vous me disiez donc? C'est bien posé, ça, là. Bien, vous allez appeler un homme pour balayer la chambre. Ils sont tous à l'exercice. Eh bien, prenez un de ceux-là. Allez. Ah, ça, voyons, qu'est-ce que vous me chantiez, vous? Ben, vous n'aviez pas... Ben, je savais pas, mon capitaine. Ah, ça, mais qu'est-ce qui a apporté cette boîte-là? Moi, j'avais rien pris. C'est peut-être ma femme qui m'a fait la surprise. Enfin, la boîte est là, il n'y a pas à le nier, hein? La boîte est là. Oui, ben c'est le principal. Vous allez pouvoir commencer mon portrait tout de suite. Ah, ben c'est de la chance, ça, c'est vrai. C'est de la chance, Champignol qui se désolait déjà. Taisez-vous donc. Eh ben alors, installez tout votre fourniment. Oh là là. Là là, quelle situation. Attendez, je vais fousser. Mais non, mais c'est pas si pressé que ça. Vraiment, mais c'est pas pressé. Enfin, je... Alors voyons, comment allez-vous me faire? Ah, ça, je me le demande, mon Dieu, je me le demande. Voyons, bah, indiquez-moi la pose. Attendez, comme ça vous va-t-il? Je vous aimerais mieux assis. Ah? Oui. Bien, oui, c'est une idée. Oui. Moi aussi, j'aime mieux ça pour poser. Ah. Bah, allez me chercher une chaise. Oui, oui, tout de suite, mon capitaine. Il entre à l'hôtel. Camara et Chamel sont sur les marches de l'hôtel. Allons, venez! Voilà, sergent, voilà. Et qu'est-ce qu'on me veut? Un chevalet? Eh, mais c'est le mien! Mais ce sont mes affaires, mais on ne se gêne pas ici! Il s'empare de la boîte de couleurs et du chevalet, met tout cela sous son bras et se dirige vers la baraque. Eh ben, dites donc, vous là-bas! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Oui, mon capitaine. Ah, c'est le loustique! Vous voulez vous faire remarquer, hein? Voulez-vous bien laisser ça? Ben, cependant. Vous voulez laisser ça? Et puis fichez-moi le camp! Mais c'est de l'arbitraire! Mais c'est de l'arbitraire! Qu'est-ce qu'il m'a donné des polichinelles pareilles? Dites donc, le réserviste! Sergent? Vous n'avez encore rien pris ce matin? Ah non, sergent, justement, je n'ai rien pris. Oui, eh ben prenez ce balai et venez balayer la chambrée. Moi? Oui, et plus vite que ça! Ah, oh, mon Dieu, si le jury de peinture me voyait. Ben, voici la chaise! Ah, merci! Oh mon Dieu, inspirez-moi. Alors, comme ça? De face? Non, de profil. J'y gagne moitié. Ah. Oh, j'aimerais mieux de face. Oh, mais je vous demande pas ce que vous aimeriez mieux. Moi, j'aime mieux de profil. Ah. Alors, celui-là? Non, le gauche. C'est le meilleur. Et puis, c'est encore celui que je réussis le mieux. Ah non. Vous y êtes? Commencez! Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Mon Dieu, quelquefois avec le courage du désespoir. Oh, c'est bien. Oh, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nez. Oh, je croyais que c'était la visière du képi. Oh, eh ben, croyez, mais ne me dérangez pas. Oh, mon Dieu, mais il ne croira jamais que c'est un champignol. Champignol sort de la baraque tout en balayant. Mais ils me font faire le ménage, ma parole d'honneur. Ils me font faire le ménage. Ah, tiens, un confrère. Ouais. Il n'est pas fort. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est l'œil, zut! Ah, c'est l'œil. Ah, oh, c'est bien intéressant de voir dessiner. C'est pas mal, hein? Oui, oui, ça a l'air d'un primitif. Un peu. Champignol s'approche timidement de Saint-Florimond. Dites donc, un peu trop d'écart, là, l'œil, par rapport à l'oreille. Qu'est-ce que vous dites? Un peu trop d'écart, l'œil, par rapport à l'oreille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Encore celui-là? Mais... Vous direz au sergent de vous marquer 2 jours de salle de police. Moi? Ah, ben, plus souvent, j'irai lui dire. Ben, il est bon, il veut que ce soit moi qui... Vous l'avez pas entendu? Si, mon capitaine, si. Seulement, je ne dirai rien du tout. C'est drôle, tout de même, à voir ses esquisses. On ne dirait jamais qu'il fait de si jolis tableaux. Oh, Presti, je commence à voir le torticolis, moi. Est-ce bientôt fini? Mais si vous voulez, mon capitaine, c'est fini. Ah, ben, c'est ça. On va laisser pour aujourd'hui. Voyons. Qu'est-ce qu'il va dire, mon Dieu? C'est moi, ça? Oui, c'est... Par exemple, si ça me ressemble. Ah, ben, c'est l'esquisse. Vous savez, pour nous autres, l'esquisse, ce ne sont que des points de repère. Il n'y a que nous qui nous y reconnaissions. Ah, c'est ça, oui. Parce que moi, en effet, je ne m'y reconnais pas. Oui. C'est jeté. Alors, vous pouvez ranger votre fourniment. Est-ce que je crois qu'il fera quelque chose de bien? Ah, je l'espère, car quant à présent... Oui, il fera quelque chose. Alors, eh ben, je vais à la pêche. Vous ne venez pas, capitaine? Non, merci. Bon, à bientôt, alors, hein? Il sort derrière l'hôtel. Camaret l'accompagne et disparaît un instant avec lui. Saint-Florimond range son attirail, le prend d'une main, et de l'autre prend la chaise qu'il a été chercher pour Camaret et la reporte à l'hôtel. Les réservistes arrivent. Hé là, passez vite! Qu'est-ce qui vient avec moi chercher les pommes de terre? Moi, caporal, si vous voulez. Oh! Qu'est-ce que vous êtes? Fort de l'Halle. Restez ici. Et vous? Prince de Valence. Prince! Allez chercher les pommes de terre. Saint-Florimond sort de l'hôtel avec son attirail sous le bras. Le capitaine revient. Alors, je m'en vais, mon capitaine. Oui. Ah, dites-moi, vous avez les cheveux trop longs, hein? Il faudra les faire couper à l'ordonnance. Oh, comme c'est gai. Adjudant Ledoux. Le soldat Champignol a les cheveux trop longs, hein? Faudra aller lui faire couper. Ah, bien, mon capitaine. Et tout de suite, hein? Mais, où est-il, ce Champignol? Il aperçoit le vrai Champignol qui sort de la baraque. Ah, le voilà! Eh, sergent, vous allez faire couper les cheveux à cet homme-là? À moi? C'est bien, mon lieutenant. Mais, sergent, ça m'est défendu par mon médecin. Oui, ben, je vous demande pas votre avis, hein? Caporal, vous allez faire couper les cheveux à cet homme-là. Bien, sergent! Perruquier! Mais, caporal! Taisez-vous! Vous m'avez appelé, caporal. Vous allez couper les cheveux à cet homme-là. Bien, caporal. Allons, venez. Ah, ben, en voilà une idée. Mais, en voilà une idée. Allons! Avancez-vous, le prince, c'est plus vite que ça. Le prince porte sur son dos un énorme sac de pommes de terre. Oh là, il me semble que tous les patents me regardent. Déposez ça là. Et maintenant, tout le monde aux pommes de terre. Des réservistes entourent le sac et épluchent les pommes de terre. Allez. Et moi, je vais aller fumer une cigarette par là. Tiens, un pêcheur. Ben, il doit rien prendre, je vais aller le voir faire. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage, on l'est. Il est du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, il est de mon village. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage, on l'est. Il est du pays de celui qui l'a fait. Ah, mon Dieu! Des hommes! Des hommes, des nageurs! Le pêcheur là-bas qui vient de tomber à l'eau! Allez, courez! Allez, c'est mon beau-père! Un homme à l'eau? Allez, courons! Touron. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est crié? Non, c'est un pêcheur qui est tombé à l'eau. Un pêcheur? Et vous êtes là? Voulez-vous bien courir? Quel est-il, ce pêcheur? Où est-il? Chamel arrive soutenu par Singleton et entouré de tous les réservistes. Il est trempé. Venez par là! Venez, mon père, venez. Monsieur Chamel. Je suis noyé, je suis noyé. Comment c'est vous, monsieur Chamel? Capitaine, quel plongeon! Laissez-moi vous raconter. Mais non, vous me raconterez ça plus tard. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Vous êtes trempé, voyons. Emmenez-le par là. Bouchonnez-le. Voulez-vous prendre quelque chose? Oui, un gros. Je vais vous chercher ça. Alors, venez, mon père, venez. Quel plongeon! Quel plongeon! Il est dans un joli état. Il aperçoit Saint-Florimond. Ah, vous voilà, vous. Vous arrivez bien. Votre oncle vient de tomber à l'eau. Mon oncle, mais je n'ai pas d'oncle. Comment, vous n'avez pas d'oncle? Eh, monsieur Chamel. Ah, Chamel, c'est... Ah, c'est l'oncle de ma femme. Oui, c'est pour ça que... Ah, il est tombé à l'eau. Tiens. Il est mort? Comment il est mort? Alors voilà un neveu. Non, il n'est pas mort. Seulement, il est trempé. Ah. Voulez-vous bien courir? Oui. Eh bien, dites donc, oui. Et vos cheveux, c'est comme ça qu'on les a coupés? Non, pas encore. Comment non. Pas encore? Non. Ah, ce pauvre oncle est tombé à l'eau. Tiens. Comment on lui a pas coupé les cheveux? Ah, c'est pas trop fort. Je vais attraper l'adjudant. Voilà le grand. Adjudant le doux. Il me semble que je vous avais dit de faire couper les cheveux au soldat champignol. Oui, mon capitaine, on est en train. Pas vrai. Vous me faites deux jours de consigne pour n'avoir pas exécuté mes ordres. Mais mon capitaine... Silence. En voilà assez. Animal de champignol. Ah, tu me fais attraper, toi. Et attends. Champignol sort de la baraque, les cheveux un peu plus courts. Ah, on vient de me couper les cheveux. Ah, vous voilà, vous. Je vous avais dit de vous faire couper les cheveux. Mais j'en viens, mon lieutenant. C'est pas vrai. Et pour commencer, vous m'avez fait attraper. Je vous donne deux jours de consigne. Que? Sergent Benoît. Mon lieutenant. Il me semble que je vous avais dit de faire couper les cheveux à cet homme-là. Mais on vient de les lui couper, mon lieutenant. C'est pas vrai. Vous me ferez trois jours de consigne pour ne pas avoir exécuté mes ordres. Ah, c'est vous qui me faites attraper. Vous me ferez trois jours de consigne. Attendez un peu. Ça fera le gros bon. Il me semble que je vous avais dit de faire couper les cheveux à cet homme-là. On vient de les lui couper, sergent. C'est pas vrai. Je ferai quatre jours de consigne pour n'avoir pas exécuté mes ordres. Ah, c'est vous qui me faites attraper. Vous me ferez quatre jours de consigne. Ça fait neuf. Attendez un peu. Viens ici. Caporal. Il me semble que je vous avais dit de couper les cheveux à cet homme-là. Et je les ai coupés, caporal. C'est pas vrai. Vous me ferez 4 jours de consigne pour n'avoir pas exécuté mes ordres. Oh! D'abord, elle est raide. Vous allez me tondre cet homme-là immédiatement! Eh ben, tu sais, toi, t'es pas un chic type, hein, faire attraper un camarade. C'est dommage qu'il ne puisse pas me consigner, je commençais à m'y habituer. Allez, viens! Singleton et les réservistes sortent du braquement avec Chamel qui est en uniforme. Ça va-t-il mieux? Oui, maintenant, ça va bien. C'est égal, monsieur, ça fait été bien aimable de me prêter ces vêtements. Comment? Merci. Mais j'ai porté les vôtres à la cuisine, ils sont en train de sécher. Oh, ils doivent pas m'aller très bien. C'est-à-dire que vous avez l'air d'un engagé conditionnel. Oh, espèce à moi d'avoir été me jeter à l'eau comme ça. Mais enfin, comment ça vous est-il arrivé? Et voilà, j'étais sur le port de la brèche. Oui. Seulement, du port, on peut pas pêcher bien loin. Alors, je vois un large tronc d'arbre qui émerge de l'eau. Je saute dessus et flac, je tombe dans l'eau. C'est égal, on est bien ici. Il y a un petit soleil, c'est bon après le pain. Oui, c'est bon. Il s'étend de tout son long en uniforme sur le banc qui se trouve devant le hangar de la cantine. Le commandant arrive, un cigare à la bouche. Il fait bon. Eh ben, il n'y a personne ici. Un sacré cigare. C'est un tout le temps. C'est étonnant. Pourtant, il est de contrebande. Il tire une boîte d'allumettes de sa poche et rallume son cigare. Chamel est allé sur le banc, fredonne le Hans des vaches. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un réserviste! Eh ben, dites donc! Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur! Monsieur? Il m'appelle monsieur! Qu'est-ce que vous dites? À qui croyez-vous parler, hein? À qui croyez-vous parler? Monsieur! Dites donc, est-ce que vous êtes sourd? C'est à moi que vous dites moussier. Oui, moussier. Oh, ça, espèce de lourdeau. Est-ce que vous allez continuer sur ce ton-là? Qu'est-ce que c'est que ce ton-là? Et puis debout! Où avez-vous vu un homme rester couché devant son commandant? Allons, debout et avancez! Chamel hausse les épaules, se recouche et reprend son chant. Fourageau furieux le prend au collet. Ah, mais debout donc! Bah dites donc, vous n'allez pas me laisser tranquille? Qu'est-ce que vous dites? Vous savez que je vais vous faire fourrer en prison, moi. Dites donc pas de bêtises. Vous n'êtes plus à la campagne, espèce de paysan. Vous voulez faire la forte tête, hein? Vous ne me connaissez pas. Je vous materai, moi. Non, écoutez, ton, je fais foutir. Tout en parlant, il lui enlève une pluche de son dolman. Hein? Main dans le rang. Il lui tape sur la main. Mais dites donc, mais es-tu brutal? Il n'y a pas moyen de causer avec vous. Vous rachez tout le temps. Sergent, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Je ne sais pas, mon commandant. Ça doit être un réserviste arrivé ce matin. Ah, c'est ça. Il n'a jamais dû être militaire, cet homme-là. Vous n'avez jamais été militaire? Ah non, jamais. Je suis suisse. Portier, ça ne m'étonne pas. Comment vous appelez-vous? Chamel. Vous marquerez 4 jours de solde de police à Chamel. À moi? Vous allez dire à un caporal de prendre cet homme-là et de lui lire pendant 1 heure la théorie sur les marques extérieures de respect. Oui, mon commandant. Vous ne me connaissez pas, mon gaillard. Je vous materai. Écoutez, monsieur. Monsieur. À vous, fixe. Oh, oh, dis donc, il n'est pas aimable, le crâne. Silence. Hein? Ah, un instant, il faut d'abord que je parle à l'adjudant. Ah, voilà ma chance. Ma petite mercière qui me donne rendez-vous ce soir et ce champignol qui me fait attraper 2 jours de consigne. Mon lieutenant, je voulais vous dire, il y a un homme de garde qui est malade, il faudrait le remplacer. Le remplacer? Oui. Mettez champignol. Champignol? Bien, mon lieutenant. Tu lui fais payer ma consigne à celui-là. Allons, venez, vous! Hein? Mais où ça? Mais on vous le dira! Mais je veux bien, mais je veux que vous... Allez! Après tout, la nuit, les adjudants sont maîtres du quartier. J'irai la faire chez ma mercière, ma consigne. Champignol sort de la baraque, les cheveux ras. Ah, Presti, on peut dire qu'ils m'ont tendu. Ah, vous voilà, vous! On vous a coupé les cheveux? Ah oui, mon lieutenant. C'est suffisant comme ça? C'est bien. Et bien maintenant, allez vous mettre en tenue. Vous êtes de garde. Moi? Oui, vous. Alors, venez. Ah, oh, ben, tous les plaisirs à la fois. Tous sous-officiers, caporal ou soldat. Oui, mais qu'est-ce que ça me fait, tout ça? Laissez-moi tranquille. Armée du fusil, qui parle à un officier, porte ou présente l'arme. Oh, mon Dieu. Eh, vous n'avez pas l'air d'écouter ce que je vous dis. Mais si, si. Vous avez votre fusil. Un officier passe. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je tire. Comment vous tirez? Eh, c'est comme ça que vous écoutez. Enfin, est-ce que je sais, moi? Vous êtes là à me raconter un tas de choses qui me sont égales. Laissez-moi tranquille. Mais oui, non, papa. Ah, ma fille. Oh, papa. Oui. Toi, un soldat? Oui, je vais t'expliquer. C'est parce que je suis tombé à l'eau. Oh. Tu es tombé à l'eau? Oui, mais il n'y a pas eu de mal. Un inférieur, parlant à son supérieur, de la brèche, il l'appelle par son grade. Un large tronc d'arbre précédé de l'eau. Du mot « mont ». Écoutez, je vous en prie. Je vous en prie, il n'y a pas moyen de causer. Ah, on m'a dit de vous lire la théorie, je vous la lis. Ah, mon père, voilà vos vêtements, ils sont secs. Ah, là, ben voilà mes vêtements. Vous voyez bien que je ne suis pas militaire. Je ne connais que l'ordre du sergent. Ah, oui, mais... Eh bien, l'ordre de l'adjudant est qu'il aille se mettre en civil. Ah, du moment que c'est l'ordre de l'adjudant... Voilà, ben voilà. Ah, dites donc, tu as été chez Madame Rivollet? Oui, j'ai déposé la lettre avec nos cartes. Bien, bien, bien. Allons, venez. Venez, venez, les enfants, venez. Ils entrent à l'hôtel. Le sergent Bellouette sort d'un baraquement suivi de Saint-Florimond en tenue de garde, la jugulaire de son képi au menton. Comment, sergent? C'est moi qui dois monter la garde? Dame, c'est bien vous, Champignol. Eh bien, l'adjudant m'a dit, mettez Champignol de garde. Ah, bon, voilà une scie. Sergent! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je dois rester là? Eh bien, naturellement, vous devez rester là. Non, non, je veux dire, jusqu'où puis-je aller? De là à là et de là à là. De là. Bien, sergent. Bien. Le sergent Bellouette rentre au corps de garde. Le vrai Champignol sort d'une baraque précédée de l'adjudant. Vous êtes prêts? Eh bien, vous allez prendre la garde. Mais où ça, mon lieutenant? Eh ben, là, parbleu, vous informerez. Ah, comme c'est amusant. À peine arrivé, déjà de garde. Il monte la garde de la chambrée à la cantine. Au moment où il remonte, il se trouve en face de Saint-Florimond qui redescend. Un autre homme de garde? Un second factionnaire. Mais, qu'est-ce que vous faites là? Bah, on m'a mis de garde. Ah, moi aussi. Oh, c'est drôle. C'est drôle. Vous êtes réserviste? Non, territorial. Et vous? Moi aussi. Monsieur, enchanté. Enchanté. Dites donc, est-ce que ce n'est pas vous qui faisiez tout à l'heure le portrait du capitaine? Parfaitement, c'était moi. Vous êtes donc peintre? Pas du tout. Non, je n'ai jamais tenu un crayon de ma vie. C'est là ce qu'il y a de plus terrible. Comment ça? Oh, c'est tout un roman. Un roman? Mais écoutez-moi donc ça. Il continue à monter la garde, bras dessous, leur fusil sur l'épaule. Eh ben voilà, c'est grave. Il s'agit d'une intrigue avec une femme mariée. Et la discrétion professionnelle... Mais allez donc, il n'y a que moi qui le saurais. Mais d'ailleurs, je ne vous nommerai pas la personne. Ah. Eh ben, voilà. Je faisais la cour depuis quelque temps à une femme mariée. Ah, jolie. Charmante. Mais je commence par vous dire qu'il ne s'est absolument rien passé entre nous. On dit toujours ça. Mais non, je vous assure. Nous disons donc que vous n'êtes arrivé à rien. Ah, si. Ah, vous voyez bien. Non, vous ne me comprenez pas. Je suis arrivé à être pris pour le mari et à faire ici ces 13 jours à sa place. Non. C'est drôle. Ah, ben, y a des maris qui ont de la chance. Voilà une chose qui ne m'arriverait jamais à moi. Mais dites-moi, ça ne m'explique pas pourquoi vous faisiez le portrait du capitaine, n'ayant jamais tenu un crayon de votre vie. Ah, voilà, c'est que je ne vous ai pas dit. Le mari de la dame. Eh ben. Il est peintre. Un confrère? Ah, c'est amusant. Comment un confrère? C'est vrai, au fait, vous ne me connaissez pas. Je suis monsieur Champignol. Oh, qui vive? Allez, hop, aide au ralliement. Le mari. Marie, mais il pense à sa mère. Tu la reverras, va. Alors, voyons. Et vous? Moi, quoi? Oui, comment t'appelles-tu? Auguste. Auguste quoi? Auguste, rien, enfant naturel. On croit que je compatine. Note que ça n'empêche pas d'être quelque chose. Vois, le grand empereur romain, il ne s'appelait qu'Auguste, comme toi. Ça l'a-t-il gêné dans sa carrière? C'est juste, oui. Auguste. Et alors, dis-moi, ce peintre, hein? À moi. Hein? Comment ça veut-il? Ah non, je peux pas. Ah là, allez, voyons, ça me fera plaisir. Oui, oh, on dit ça. Voyons, Auguste, ça n'est pas par curiosité, c'est pour savoir si je le connais. Eh ben, c'est Raphaël. Ah, blagueur, il y a plus de 300 ans qu'il est mort. Non, attendez donc, vous ne me laissez pas achever. Raphaël Potard. Raphaël Potard. Mmh. Ah, c'est drôle, parmi les peintres... Potard, non, il ne connaît pas. Ah, c'est un tout petit peintre, Ah, oui. Non, il avait épousé une mélatresse. Oui, une mélatresse qui avait eu des nègres dans sa famille. Ah, naturellement. Oui, alors, c'est cette mélatresse... Le commandant sort d'une baraque au moment où Champignol et Saint-Florimond redescendent en montant leur garde bras dessus. Ah, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Mon commandant. Où avez-vous vu monter la garde comme ça? Et puis présentez donc les armes quand je passe, hein? Champignol et Saint-Florimond se placent face à face et se présentent des armes. Pas comme ça! Champignol fait demi-tour. Champignol et Saint-Florimond se trouvent alors l'un derrière l'autre et présentent les armes au commandant dans cette position. Qui est-ce qui m'a fichu des soldats pareils? Et puis pourquoi êtes-vous deux? Je sais pas, mon commandant. On nous a dit... Ah oui, à Auguste et à moi. Quoi, Auguste? Sergent! Qu'est-ce que c'est que ces hommes-là? Pourquoi sont-ils deux? Je ne sais pas, mon commandant. Je n'en ai commandé qu'un, celui-là. Alors qu'est-ce que vous faites là, vous? Je ne sais pas, mon commandant, c'est l'adjudant. L'adjudant. Allons, rentrez dans votre chambrette. Oh, ça, je veux bien. Et tâchez que je ne vous y reprenne plus. C'est qu'il a l'air de croire que je fais ça pour mon plaisir. Au revoir, Auguste. Quant à vous, vous pourriez vous tenir un peu mieux quand vous êtes de faction. Comment vous appelez-vous? Moi, je ne sais plus. C'est le soldat Champignol, mon commandant. Champignol? Vous ferez bien de surveiller cet homme-là quand il montera la garde. Allez, rompez! Enlevez donc votre képi! Vous avez les cheveux trop longs, Champignol! On me l'a déjà dit, mon commandant. Eh bien, mon ami, il faudra les faire couper. Bien, mon commandant. Mon Dieu, le mari ici, le mari. Adjudant! Mon commandant? vous ferez couper les cheveux de champignol. Plus court ? Bon, naturellement, pas plus long. Vous faites des réflexions bêtes. Oui, mon connard. Vous avez compris, hein ? Qu'est-ce qu'on a donc tout le temps après les cheveux de champignol ? Oh, enfin, je m'en fiche, moi, Brad. Champignol sort de sa baraque avec le perruquier. Il a déposé son sac et son fusil et est en veste. Alors, venez, perruquier. Je vais vous offrir un verre pour tout le mal que je vous ai donné. Ah, champignol ! Arrivez ici. Mon lieutenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Montrez-moi un peu votre tête. Bon, perruquier, vous allez couper les cheveux à champignol. Encore ? Mais mon lieutenant, je l'ai déjà passé à la tondeuse. Bah, eh ben, rasez-le. Oh. On m'embêtera plus avec lui. Allez, emmenez-le. Oh, allez, oh. Allez, venez. Oh, mais c'est de la mutilation. C'est de la mutilation. C'est de la mutilation. Mais qu'est-ce qui va me rester, alors? Saint-Florimond, pendant ce temps, monte toujours sa garde. Non, le mari. C'est le couronnement, ça. Oh. Eh ben, dites donc, factionnaire. Rectifiez donc la position quand je passe. Rectifier la position, c'est ça? Non, ça c'est présenter les armes. Il n'y a pas de mal. Mais qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? Ah, ben je le sais ce qui va se passer. Un esclandre terrible. Ma foi, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il n'y a qu'une chose à faire. Champignol est ici, eh bien, qu'il se débrouille. Moi j'ai mon bal ce soir, sitôt ma garde finie, je file. Pardon, factionnaire, le capitaine Camaret, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas vu, monsieur. Mais je ne me trompe pas. Et c'est monsieur Champignol. Ah, monsieur le neveu du capitaine. Oh, quelle surprise, quelle surprise. Mais dites donc, factionnaire, ne vous gênez pas. Ah, mon oncle. Ah, c'est toi? Oui, justement, je demandais à monsieur Champignol. Moi, c'est Champignol qui est en faction. Et comment se fait-il qu'on vous ait mis de garde? Vous êtes puni de prison? Ah, je ne sais pas, mon capitaine. Sergent de garde! Mon capitaine! Ah, ça, sergent, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes punis de prison ne montent pas la garde. Je l'ai dispensé de corvée. Et je ne lui ai pas enlevé sa punition. Alors, relevez-moi ce factionnaire. Et mettez-le sous clé. Ah, bien, mon capitaine. Allez, venez, vous. En prison? Mais comment vais-je faire pour filer? Bon, alors, je vais en prison. C'est ma spécialité. Ce pauvre monsieur Champignol. Ah, ça, qu'est-ce qui t'amène, toi? Eh bien, mon oncle, je venais vous demander de la part de maman d'arriver de bonne heure ce soir avec Adrienne. Pourquoi donc? Eh bien, à cause de son bal. C'est Adrienne qui fera l'office de maîtresse de maison, oui. Maman est malade. Oh, non, bon, qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de bien grave, hein, un rhumatisme. Un rhumatisme? Oui, qui la tient là. Par le flanc droit? Par le... Vous dites? Je dis par le flanc droit. Ah, oui. Je vous demande pardon, je ne comprenais pas. Ah, c'est pas de chance pour un jour où elle reçoit. Enfin, c'est bien. Oh, non, s'il est permis de détériorer un homme à ce point-là. Il retire son képi, et tout honteux s'enveloppe la tête de son mouchoir et met son képi par-dessus. Oh, ça, mais... Qu'est-ce que c'est que ce soldat chauve? Apollon. Apollon lui-même n'y résisterait pas. Et dites-donc là-bas. Mon capitaine. Montrez donc votre tête, vous. Champignol ôte son képi. Hein? Croyez-vous? Quoi croyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire, croyez-vous? Ah, c'est le loustique. Ah, il m'a reconnu. Qu'est-ce qui vous a permis de vous couper les cheveux comme ça, hein? Est-ce que vous supposez qu'un soldat a le droit de disposer de sa tête pour en faire des boules d'escalier? Mais, vous me capitaine... ferez deux jours de salle de police pour vous apprendre à vous rendre grotesque. Oh non, ça... Allez, rompez! C'est le bouquet, ça. Oh. Retournez à la chambrée, vous y resterez jusqu'à ce que vos cheveux soient repoussés. Oui, mon capitaine. Eh ben, j'en ai pour quelque temps. Ah, ils me rendront fou. Ils me rendront fou. On me fait passer au papier de verre. Et encore, on me colle au blanc. Allez, voilà bien. Quand on les laisse à leur initiative, ils ne savent qu'inventer pour se rendre ridicule. Oui, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Tiens, Madame Champignol. Ah. Oh, pardon, capitaine. Vous ne pourriez pas me dire où je pourrais avoir l'heure des trains? Madame. Oh, excusez-moi, monsieur, je ne vous remettais pas. Et madame, les heures des trains, ils doivent les avoir à l'hôtel. Vous songez donc à nous quitter? Oui, capitaine, je rentre ce soir à Paris. Oh, mais madame, vous ne pouvez pas retarder votre départ d'un jour. Oui, vous nous auriez fait grand plaisir à ma mère et à nous tous de venir ce soir à notre bal. Madame votre mère? Eh bien oui, madame Rivollet, ma sœur. C'est sa sœur. Qui donne une petite sauterie, justement pour ma fille Adrienne. On doit lui présenter un prétendu, un monsieur Saint-Florimond. Saint-Florimond et la fille du capitaine, oh, le malheureux. Alors, madame, décidément, vous ne pouvez pas. Non, impossible, là, absolument impossible. Mille regrets, madame. Mille regrets. Et bon voyage. Merci. Oh, il faut absolument que je voie Saint-Florimond. S'il va à ce bal, tout est perdu. Oh, capitaine! Madame? Je vais encore abuser de votre complaisance. Mais avant de partir, je voudrais dire adieu à mon mari. C'est trop juste, madame. Adjudant Ledoux. Mon capitaine. Allez chercher Champignol. Dites-lui que madame le demande. Bien, mon capitaine. Maintenant, madame. Capitaine. Madame. Monsieur. Merci. Oh, mon Dieu. C'est encore une grâce du ciel que l'on m'ait prévenu à temps. On entend la sonnerie de la soupe. Les réservistes sortent en courant et disparaissent par le passage entre la cantine et le corps de garde. Voilà le soldat Champignol, madame. Ah, merci, monsieur. Alors, venez. Le vrai Champignol entre. Comment, une dame me demande ? Mon mari. Ma femme. Toi ici, oh, cette chère Angèle. Oh, ben, oh, ça c'est gentil d'être venu. Oui, oui, j'avais pensé que on m'avait dit que... Oh, mon Dieu, je me sens défaillir. Mais justement, j'allais t'écrire. Mais qu'est-ce que tu aimes regarder comme ça? Ah, c'est pour mes cheveux. Oh, crois-tu qu'ils m'ont mis dans un état? Je suis chauve, ma chère amie. Je suis chauve. Oh, est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est... Oh, mon Dieu, il va connaître la vérité. Les soldats sont revenus peu à peu avec leurs gamelles et se sont installés sur les bancs, tandis que les autres entrent dans la chambrée. Ah, c'est le chien Angèle. Tiens, laisse-moi t'embrasser. Non, mais regardez donc. Non, mais regardez donc. Ce territorial qui embrasse Madame Champignol. Oh, oh, chouette. Ouais, mais... Et le mari? Saint-Florimond sort d'un baraquement. Ça y est. La prison était en planche, les barreaux ne tenaient pas, je me suis évadé. Saint-Florimond. Mais dis donc, dis donc, qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là qui cause avec ta femme? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Et il embrasse ta femme. Ah, il est... Tiens. Ah, mais c'est sans doute un de ses parents. Ah, c'est un de ses parents, messieurs. Et dis-moi, où es-tu logé? À l'hôtel? Oui, là-haut. Ah, parfait. Dites-nous, les camarades. Oui. Les territoriaux ne sont pas obligés de coucher au baraquement. Non. Ah, bah tant mieux, parce que vous comprenez, moi, j'aime mieux passer la nuit avec Madame Champignol. Ah. Oh. Oh. Oh. Mon Dieu. Alors, viens, ma chérie, viens. Conduis-moi dans ta chambre. Oh, Charles, quelle aventure. Non, mais quel rôle joue-je, mon Dieu, mais quel rôle joue-je? Eh ben, dis donc, t'as entendu? Elle l'emmène dans sa chambre. Oui. Et tu ne dis rien? Il a des droits, cet homme-là. Non, si, il faut vous dire. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Mais il est l'amant de ta femme, parbleu. C'est pas mal à deviner. L'amant de ma femme. Non, mais tu l'es, mon vieux, tu l'es. Je le suis. Oh, mais il m'embête, Champignol, il m'embête. Il me rend ridicule, c'est vrai, c'est moi qui ai l'air d'être le trompé. Oh, mais au fait, je suis bête. Puisque c'est sous le nom de Champignol, c'est sur Champignol que ça tombe. Alors, il se trompe lui-même. Ah ben, alors, je m'en fiche. Et pour commencer, je vais repasser mes vêtements de civil. Et quand on me reverra, il fera chaud. Comment, mais il s'en va? Et prends garde à la porte. Il est étonnant, ce mari-là. Arrivez donc, vous autres. Vous ne savez pas ce que nous venons de voir? Non, mais... Champignol. Vous savez, Champignol, le réserviste qui est en prison. Oui, oui. Eh bien, sa femme le trompe. Non. Si. Avec un territorial de la chambrée. Allez, venez donc, Badin. Venez donc, Pinceau. Nous allons raconter ça aux autres. Allez, bien bonne, celle-là. C'est quoi, non? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Une bonne histoire qu'on vient de nous raconter. Vous connaissez Champignol? Champignol? Eh bien, sa femme le trompe. Femme le trompe avec un territorial de la chambrée. Oui. Il est cornard, Champignol. Il est cornard. Cornard, Champignol? Mais où est-il, cet homme? Où est-il? Me voilà, bref. Tenez, le voilà. Auguste? Ah! C'était au moins potard. C'est quoi, misérable? C'est quoi qui est la bonne Madame Champignol? Laissez-moi. Raison. Mon Dieu! Mon mari et Saint-Florimond. Je te retrouverai, misérable. Je te retrouverai. Oui, en attendant, je file. Rattrapez-le. Arrière, madame. Champignol, mon lieutenant, il vient de s'échapper de la prison. De la prison? Oui, en prison les barreaux. Oh, vous ne l'avez pas vu, vous autres? Non. Vous l'avez non. pas vu Champignol? Et quoi, Champignol? Qu'est-ce que vous lui voulez à Champignol? Qu'est-ce qu'il a encore fait, Champignol? C'est moi, Champignol! Eh bien alors, en prison! Moi? Salon avec un buffet servi pour la soirée. Le prince, toujours en tenue militaire et monté sur une échelle double, est en train d'arranger le lustre. Un domestique le regarde travailler. Jérôme! Jérôme, eh bien, voyons, Jérôme. Monsieur Célestin? Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a donc? C'est le planton que monsieur le capitaine a envoyé qui est en train d'arranger le lustre. Ah, bon. Eh bien, voyons, et les rafraîchissements? Je les prépare, monsieur. Eh bien, dépêchez-vous, voyons, tout le monde les réclame. Dis donc, Célestin, tu devrais bien dire qu'on passe des rafraîchissements, ils ont l'air de mourir de soif par là. Ben justement, c'est ce que je disais à Jérôme. Hé, Célestin! Oui? Tu ne vas pas faire porter les rafraîchissements? Nous avons la pipi là-dedans. Si, mon oncle, je viens de le dire. Ben dépêchez-vous, parce qu'on crève de soif. Hé, dis donc, le plan tant que ma sœur, Madame Rivollet, m'a demandé de vous envoyer, est-il arrivé? Oui, mon capitaine, il arrange le lustre. Ah, eh bien, ne vous gênez pas pour l'employer, si vous en avez besoin pour rincer les verres. Nettoyez la vaisselle à votre disposition, hein? N'est-ce pas, planton? Mon capitaine? Comment vous appelez-vous déjà? Prince de Valence. Ah, c'est juste. Eh bien, prince de Valence, vous vous tiendrez à la cuisine, n'est-ce pas? À la disposition du maître d'hôtel. Bien, mon capitaine. Très honoré. Vous aiderez à nettoyer les verres. Vous savez nettoyer les verres. On a négligé de me l'apprendre, mon capitaine. Eh bien, on vous montrera. Allez! Quelle décadence. Alors, venez-vous. Apportez votre plateau. Voilà, mon capitaine. Et là, et pas si vite. C'est pas comme dans l'évangile, ici. Les premiers sont sûrs d'être les premiers. Allez-moi un verre. Pristi, sais-tu qu'il commence à faire chaud par là, hein? Ah, dame, mon oncle, le tout Clermont est là. Dis donc, mais ton fameux Saint-Florimond. Le fait est qu'il n'arrive pas vite pour un prétendu. Est-il pressé de le voir arriver? Est-ce que tu le connais, toi, ce Saint-Florimond? Non, il n'y a que maman. C'est même ce qu'il y a de gênant, c'est que maman est malade. Et c'est moi qui vais être obligé de vous le présenter. Je ne l'ai jamais vu, alors. Eh ben, tu le reconnaîtras à son nom. Ah! Je rentre dans le gouffre. Quand il arrivera, tu m'appelleras, hein? Oui, mon oncle. Et dire qu'il me laissera me marier et qu'il ne comprendra rien. Tiens, tu veux pas faire comme moi, Adrienne? Un peu de champagne? Volontiers. Est-elle jolie comme ça? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Sais-tu que je t'ai admiré tout à l'heure? Et tu fais les honneurs comme personne. Ah, c'était pour ça. Et tu ferais une exquise maîtresse de maison. Il faut bien, puisque je vais me marier. Je vais même regretter que monsieur de Saint-Florimond ne fût pas là pour te voir. Ah, tu as regretté. Il aura le temps de s'en apercevoir si je l'épouse. C'est évident. C'est évident. Ne sachant que dire, il se trompe et porte à ses lèvres le verre d'Adrienne qu'il prend pour le sien. C'est mon verre, le verre dans lequel j'ai bu. Oh, pardon. Pardon. Voilà une chose que monsieur de Saint-Florimond n'aurait pas faite à ta place. Mais quoi donc? De ne pas boire dans un verre parce que j'y ai trempé mes lèvres. Non, mais écoute donc, je n'ai aucun droit, moi, tandis que monsieur de Saint-Florimond, enfin, qui dit prétendu, dit amoureux. Tandis que toi, tu ne l'es pas amoureux. Voilà ce que tu veux me dire, n'est-ce pas? Dame, puisque je ne suis pas prétendu. C'est très juste. Oh, mon Dieu, qu'elle est jolie. Oh, qu'elle est jolie. Sais-tu que si tu n'étais pas ma cousine, je te ferais la cour. Je regrette alors que nous soyons cousins. Tu es moqueuse. Ah, monsieur Saint-Florimond pourra se vanter d'avoir une femme adorable. Du reste, tu peux compter sur moi pour lui faire l'article, ça. Trop aimable. Tu sais qu'il me paraît que c'est un homme charmant, ce Saint-Florimond. Oh. Oui, d'abord, une jolie fortune. Enfin, ça t'est égal, tu es riche. Et puis, un grand nom. Tu seras comtesse de Saint-Florimond. Hein? Ça sonne pas mal, hein? Comtesse de Saint-Florimond. Oui, en effet. Ça sonne bien. Et puis avec ça, un homme charmant, distingué, spirituel. Oh mon Dieu, assez! Tu vas me donner envie de l'épouser tout de suite. S'il est tel qu'on le dit, ça ne serait déjà pas mal. Songe donc à un mari jeune, aimable, spirituel, qui aurait pour toi les tendresses, les cajoleries. Oh, et puis je t'en prie, en voilà assez. Mais qu'est-ce que tu as? En vérité, tu mets une assistance à me faire valoir les qualités de monsieur Saint-Florimond. Ma parole, tu serais agent matrimonial, tu ne me parlerais pas mieux. Mais enfin, Adrienne, enfin, ce que j'en dis, moi... ce que tu en dis. Alors ça ne te fait rien, l'idée que je peux devenir un jour la femme de ce Saint-Florimond. Bah, dame, puisqu'un jour ou l'autre, il faut que tu sois la femme de quelqu'un. Que eh bien, tu as raison. Autant que ce soit celui-là qu'un autre. Puisque tu me le conseilles tant, je l'épouserai, ton Saint-Florimond. Enfin, Adrienne, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air fâchée. Oh, Célestin. Célestin, quoi? Je n'avais pas pensé ça de toi. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Enfin, Adrienne, écoute. Alors, Adrienne. Quand nous étions enfants et que nous nous promettions d'être mari et femme, c'était donc pour jouer? Quoi? Est-il possible? Mais moi, j'avais cru que c'était sérieux. Je m'étais mis ça dans la tête, je me disais toujours, voilà celui que tu dois aimer, parce qu'il doit être ton mari. Adrienne, pas un mot de plus, si tu ne veux pas que je jette ce Saint-Florimond par la fenêtre quand il entrera. Vrai? Tu ferais ça pour moi? Parole. Mais Adrienne, enfin, tu n'as donc pas compris que je n'ai pas plus oublié que toi nos belles fiançailles d'autrefois. Mais depuis, si toi, tu te disais, voilà celui que je dois aimer, puisqu'il doit être mon mari, moi, je pensais, voilà celle que je ne dois pas aimer, puisqu'elle ne peut pas être ma femme. Pourquoi? Pourquoi? Mais à cause de ta fortune. Oh, c'était pour ça? Oh, t'es bête. Mon Dieu, oui, je suis bête, mais c'est pour ça. Oh, c'était... Eh bien, tu vas m'épouser tout de suite. Quoi? Moi? Oui, toi. Et puisque tu as des scrupules, je dirai à papa qu'il garde ses 60 000 livres de rente. Là... Ah non, là, c'est trop, je te sacrifierai ta fortune. Ça... Et maintenant, monsieur, vous allez me demander pardon. Oh, Adrienne. Non, pas comme ça. Genoux, terre. Voilà ma commandante. Mon petit mari. Ben dites donc, venez, tenez, qu'est-ce que vous faites là? Papa! Non, mais je vous en prie, continuez donc. C'est comme ça que tu te tiens le jour où on va te présenter un prétendant. Mais... Oh non, mais je regrette que monsieur de Saint-Florimond ne soit pas là. Oh, papa, il ne s'agit plus de monsieur de Saint-Florimond. Tu m'as dit que tu ne contrarierais jamais mes inclinations. Eh bien, celui que j'aime et que je veux épouser, le voilà. Oui. Lui? Oui. Oh, c'est drôle. Oh là, comment? C'est galopin, mais... Et je l'ai connu haut comme ça. Ah, mais j'ai grandi depuis mon enfant. Eh bien, certainement non. Je ne contrarierai jamais tes intentions. Mais sacristie, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu laisses ta tante te chercher des prétendus, organiser une soirée... Eh bien, ce sera notre soirée fiançailles. Ah non, mes enfants, j'aime les choses qui se font militairement. Vous vous plaisez, on vous mariera. Ah, mon oncle, merci. Allez, embrassez-vous. C'est ce que nous faisions quand tu es entré. Oui. Eh bien, recommencez. Tout à l'heure, c'était une bordée, maintenant, c'est une permission régulière. Allons. Avancez à l'ordre! Elle tend la joue et Célestin embrasse Adrienne. Ah, ben, j'aimais mieux l'aborder. Oh! Oh, sapristi! Ce doit être Saint-Florimond! Saint-Florimond? Oh, sauvons-nous! Oui. Ils s'en vont en courant. Camaret, pour essayer de les retenir, disparaît un instant et Madame Champignol entre. Madame Champignol! Oh, ce que je fais est bien osé. Mais c'est souvent en bravant le danger qu'on y échappe. Oh, c'est ça, ils s'en vont et débrouille-toi. Oh, capitaine. Oh, Madame Champignol. Ah, ben, c'était pas vous que je m'attendais à voir. Et qui donc? Sans importance. Un monsieur qu'on avait songé un moment à faire épouser à ma fille. Ah. Oui, vous ne devez pas le connaître, un monsieur de Saint-Florimond. Saint-Florimond? Il n'est pas encore arrivé, tout n'est pas perdu. Mais c'est bien aimable à vous d'être venu. Vous m'aviez donné si peu d'espoir. J'ai trouvé le moyen de retarder mon voyage. Oh, on n'est pas plus charmant. Oh. Voulez-vous enlever votre chose, là? Votre lévite? Ah, ma sortie de balle. Ah oui, je ne connais pas les termes. Jérôme, la préposée à l'habillement. La préposée? Eh oui, pour le manteau de madame. Ah, celle qui tient le vestiaire. C'est la bonne, mon capitaine. Elle doit être par là, il n'y a qu'à sonner deux coups. Eh bien, sonnez-les. Elle n'est pas encore au courant, mon capitaine. Elle est entrée chez Madame Rivolet ce matin. Pas qui a sonné d'un coup? Charlotte, ici. Oh, Madame Champignol. Oh, ben, en pleine surprise. Oh, mais je ne me trompe pas. C'est la bonne que vous aviez à Paris. Oui, en effet. Mais oui, Madame Champignol a eu l'honneur de m'avoir comme bonne. Oui, alors c'est bien. Vous nous ennuyez avec vos bavardages. Allez, débarrassez, madame. Oh, oui, monsieur. Eh bien, où allez-vous? Ben, je m'en vais, monsieur. Vous m'avez dit de débarrasser madame. Oh, mais c'est une dinde, cette bonne. C'est une dinde. De débarrasser madame de son manteau. Ah, oh, bien, mon capitaine. Ben, vous le dites pas, je peux pas le deviner. Tenez, le voici. Et portez ça soigneusement au vestiaire. Maintenant, madame, si vous voulez me permettre de vous offrir mon bras. Oh, capitaine. Venez par ici, madame. Et vous faites attention de ne pas chiffonner ce vêtement, hein? Bon, chiffonner, certainement non. Ben, pas le chiffonner, un beau manteau comme ça. Faut être riche pour pouvoir s'en payer un pareil. Ça paraît pas, eh ben ça vaut bien dans les 37 à 39 francs. Oh, je sais ce que ça, j'en ai vu chez des marchands d'habits à Paris. On appelle ça une rotondité. Dire que si je cédais à un banquier, j'aurais aussi une rotondité. Oh. Essayons. Bon, ça me va bien. Le prince entre avec un plateau. Sur la table, bien. Oh, une demoiselle. Elle ignore. Ça doit être de l'aristocratie de Clermont. C'est à moi. Oui, mon plateau me gêne. Mademoiselle, vous me voyez en militaire, il ne faudrait pas me prendre pour ce que vous croyez. Eh ben, voulez-vous que je vous dise, moi non plus, il ne faudrait pas me prendre pour ce que vous croyez. Je suis le prince de Valence. Oui, eh ben, moi je suis la bonne. Hein? La bonne? Et ça, c'est une rotondité que je porte au vestiaire. Oh, une dame. Oh, le capitaine. Oh, la bonne. Eh ben, dites donc, mais ne vous gênez pas. Ben, c'est la sortie de balle de Madame Champignol. Ben, je vais vous apprendre l'air, capitaine, pour pas qu'elle se fripe. Ouais, c'est bien. Allez, rangez ça. Oui. Et vous plantons, retournez à la cuisine. Et que je ne vous reprenne plus à courir après les bonnes. Moi? Courir après les... Oh là, je ne cours pas après les bonnes. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, je ne cours pas après les bonnes. Taisez-vous. Oui, oui, enfin, mais je ne cours pas après les bonnes. Je vous dis de vous taire. Oui, oui, mais je ne cours pas après les bonnes. Oh, créneau d'un chien, t'as jamais vu? Mais je vais vous en donner, moi, des je ne cours pas après les bonnes. Je vais vous en donner, moi. Je vous dis goûter. Bon, il va se faire attraper, le lignard. Chamel entre, suivi de Morissette. Il est en habit, voilà, elle est en toilette de soirée. Viens, mon petit, viens, viens. Et ton mari? Il s'occupe de notre vestiaire. Ah, bien. Où est Madame Rifollet? Parce qu'il faut vous dire que nous ne la connaissons pas. Elle est couchée, monsieur. Ah, non, mais voilà, monsieur, son frère. Oh, là. Son frère? Morissette. C'est le frère de ma mère. Je lui serrerai la vis à ce pécan-là. Je lui serrerai la vis. Oh, le capitaine. Oh, Madame Singleton. Monsieur Chamel. Mon Dieu, et mon mari qui est censé à la salle de police. Oh, quelle bonne surprise. Si je m'attendais. Mais oui, Madame Rivollet a bien voulu nous inviter. Il paraît qu'elle est souffrante, cette pauvre Madame Rivollet. Ah oui, un rhumatisme. Par le flanc droit. Oh, c'est bien embêtant. Enfin, c'est je suis heureux de vous recevoir à sa place. Mm-hmm. Je n'ai qu'un regret, c'est que votre mari n'ait pas pu vous accompagner. Mm-hmm. Mais il est à la salle de police. Oui, oui, en effet. Oh, mon Dieu. Eh, il va avoir du plaisir, mon chantre. Adrienne et Célestin arrivent bras dessus, bras dessous. Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc, la jeunesse? Nous venons danser comme des fous. Tiens, Madame Sangleton, Monsieur Chamel. Je vous présente deux fiancés. Oh, bon. Ah, mais c'est nouveau, alors. Oh, c'est déjà vieux. Il y a bien 10 minutes. Mes compliments. Je vous avais dit que j'avais une idée en tête. Eh bien, la voilà. Alors, Célestin, donne le bras à Madame Singleton. Madame. Oh, mon Dieu, et mon mari qui va venir. Allons, Morissette. Mmh. Allons, viens. Mais papa, tu n'entres pas? Allons, allons, j'aime pas les étuves, moi. Ils sont trop là-dedans. Ils me prennent mon air. Monsieur Singleton. Hein? Singleton, en habit très flambant, achève de mettre ses gants. Madame, monsieur, le capitaine. Comment vous? Vous, monsieur? Non, non. Comment non? Si. Ah, ça, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Et votre salle de police? La... Il n'y a pas de là. Quelle raison pouvez-vous me donner pour être venu à ce bal? Je ne pensais pas vous y trouver, mon capitaine. Ah, c'est ça, votre raison? Eh ben, oui. Ben, elle est jolie. Enfin, n'importe. Ici, vous êtes notre hôte, monsieur Singleton. Donnez le bras à ma fille. Oh, capitaine. Et demain, en rentrant au corps, vous vous ferez marquer 2 jours de prison. Hein? Allez! Oh, ben, bien, mon capitaine. Bien charmante soirée, mademoiselle. Oh. Oh, le pauvre garçon. Il faut avouer qu'il n'a pas de chance de tomber juste sur moi. Je suis obligé de sévir. Je ne lui en veux pas du tout. Oh, je me rappelle au temps où je n'étais pas encore officier. Un jour que j'étais consigné, j'en ai fait autant. J'étais allé à un bal. Comme lui, même guigne, je tombe sur mon capitaine qui me dit, mais monsieur, je connais votre figure. Vous ne feriez pas partie de ma compagnie? Je lui réponds, je m'appelle Saint-Florentin. Il n'y avait pas de Saint-Florentin dans sa compagnie. Ça a passé comme une lettre à la poste. Ouais, mais à propos de Saint-Florentin, monsieur de Saint-Florimont ne vit en guerre. Après tout, tant mieux, puisqu'il n'a plus sa raison d'être. Monsieur de Saint-Florimont. Oh! Alors bon, quand on parle du loup... J'arrive un peu tard, mais... Monsieur Champignol. Le capitaine. Comment vous? Vous ici? Non, non, non, non. Comment non, non? Mais ils me disent tous non, non. Si, si. Ah, oh, ça, mais tous les réservistes se sont donnés rendez-vous ici. Oh, ma foi, tant pis, le scandale a éclaté, le mari sait tout, je n'ai plus rien à ménager. Capitaine, je ne suis pas Monsieur Champignol. Allons donc. Oh, vous n'êtes pas... Non, non, vraiment. Eh ben, voilà bien une autre. Et qui êtes-vous donc, je vous prie? Je suis, comme on vient de vous l'annoncer, monsieur de Saint-Florimond. Saint-Florimond? Oh non, ça alors c'est le comble. Comment? Non mais vous savez, vous avez de l'aplomb, hein? Je vous assure, mon capitaine. Non, là, voyons, non, je la connais, vous comprenez, c'est moi qui l'ai inventé. Quoi donc? Bah oui, on rencontre son capitaine et on donne un faux nom, c'est parfait. Oh, mais... Seulement, il faut pour que ça réussisse que le capitaine ne vous connaisse pas comme je vous connais. Je ne peux pas vous donner d'explication, mon capitaine, mais je vous affirme que je suis monsieur de Saint-Florimond. Alors voyons, mon ami, j'ai été dans votre atelier, je vous ai trouvé dans mon régiment, vous avez commencé mon portrait. Et vous allez me faire croire que vous n'êtes pas Champignol, le peintre Champignol, le territorial de ma compagnie? Je ne suis pas Champignol. Et vous êtes Saint-Florimond? Parfaitement. Eh ben, mon ami, vous n'avez pas de chance dans les noms que vous choisissez. Ah! Vous avez cru en prendre un au hasard? Eh bien, il existe, monsieur de Saint-Florimond. Et nous l'attendons ce soir. Ça vous la coupe, hein? Non. Ah! Il vient même dans l'intention d'épouser ma fille. Ah! Comment c'est sa fille? Et il peut se brosser même, entre parenthèses, car elle est fiancée. Fiancée? Oui. Eh ben! Qu'est-ce que vous avez à répondre, hein? J'ai à répondre qu'il y a erreur sur la personne. Je suis de Saint-Florimond et je ne suis pas Champignol. Oh. Et si vous avez un Champignol dans votre compagnie, il est dans votre compagnie. Voyons, mais il n'est pas possible que deux hommes se ressemblent à ce point. Ah, cependant, le Zurk. Vous avez raison, monsieur. Il y a un moyen de contrôler votre dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Planton! Le prince paraît sur le pas de la porte en faisant le salut militaire et aperçoit Saint-Florimond. Champignol! Là, vous voyez, je ne lui fais pas dire. Planton, vous allez courir au cantonnement et dire qu'on m'envoie le soldat Champignol, puni de prison. Hein? Le soldat Champignol? Oui, ne cherchez pas, je comprends votre étonnement, mais faites ce que je vous dis. Bien, mon capitaine. Non, il devient fou, le capitaine, il devient fou. De cette façon, monsieur, nous saurons la vérité. Oui, mon capitaine. Oh mon Dieu, on va amener le mari, on va amener le mari. Enfin, persistez-vous à dire que vous n'êtes pas monsieur Champignol? Absolument. Oh. Tiens, monsieur Champignol. Oh. Tenez votre bonne elle-même, la bonne qui a été à votre service. Oh, la bonne, est-ce qu'elle sait, la bonne? Eh, ça va bien, monsieur Champignol? Fichez-moi la paix, vous. Tiens, Champignol. Monsieur Champignol. La famille, hein, la famille, la renierez-vous? Oh là là là là là là. Champignol. Là. Ça va bien. Mais allez au diable. Oh, mais il a qui veut me faire croire qu'il n'est pas Champignol. Oh, non, oh, c'est pas vrai. Oh, elle est bien bonne, malin. Voilà. C'est parce que vous êtes puni de prison. Mais vous dites vous taire. Oui. Ah, mais au fait, voilà un témoignage qui sera bien plus probant que tout le reste. Saint-Florimond ici. Madame, vous allez nous tirer d'un doute. Qui est monsieur? Mais c'est monsieur Champignol, mon mari. Ah, elle aussi. Eh bien, monsieur Champignol nous soutient depuis une heure qu'il est monsieur de Saint-Florimond. Ah, oui, oh, impossible. Oh, le pauvre garçon, voilà sa crise qu'il reprend. Sa crise? Qu'est-ce qu'elle dit, sa crise? Oh, mon capitaine, si vous saviez, il a comme ça des absences de temps en temps. Alors, dans ces moments-là, il se prend pour un autre. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ainsi, tenez, l'autre jour, il se croyait président de la Chambre. Il s'en est tout le temps. Moi? Ça existe, ça? Ah. On m'a montré un individu dans la même situation. Ah. Seulement lui, il se tenait toujours comme ça. Oh, pourquoi? Il se figurait qu'il était une théière. voilà, c'est le même cas. Non, mon Dieu. Non, mais ils sont en train de m'interner. Ça peut se dire, mais c'est que c'est grave. Oui, c'est vrai. Vous ne voulez pas que j'envoie chercher le médecin-major? Non, c'est inutile. Ces crises ne sont que passagères. Mais des crises? Mais il n'y a pas de crise. Tout ça, c'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie. Mais oui, c'est une plaisanterie. J'ai dit que j'étais Saint-Florimond. Oui, vous êtes Saint-Florimond. Oh, ce qui m'agace. Madame, je connais Julie, dès vous voir plus tôt, moi qui ai déjà envoyé un planton au corps pour qu'il me ramène ici le vrai Champignol. On va amener mon mari. Alors, madame, nous vous laissons avec monsieur Champignol. Dans ces cas-là, une épouse vaut mieux que des étrangers. Je vous suis très reconnaissante, capitaine. Alors, venez, Morissette. Oh, ce pauvre cousin. Ah, c'est bien embêtant. Oui, c'est bien embêtant. Oh, non. Mais ce sont eux qui me rendent fou. Alors, voilà ce que vous faites, vous. On va amener mon mari à cause de vous. Ah, la grâce de Dieu, qu'il vienne, votre mari. Il n'est que temps que ça finisse, cette position ridicule où je patauge depuis hier. Alors, vous avez juré ma perte? Vous cherchez un esclandre? Ben, l'esclandre, c'est votre mari qui a pris la peine de le faire éclater. Dieu m'est témoin que, pour vous éviter un scandale, j'aurais tout bravé, tout accepté. Maintenant que votre mari sait tout, maintenant qu'il a crié son aventure sur tous les toits, pourquoi conserverais-je un rôle aussi grotesque qu'inutile? Eh bien, moi, alors? Alors, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Qu'est-ce que je deviens? Une femme déshonorée, voilà. Répudiée par son mari, votre maîtresse, enfin moi qui ne l'ai jamais été. Et tout ça à cause de vous. Mais enfin, Angèle, c'est la fatalité. Oh, la fatalité. Dites votre maladresse, ça vous est égal. Quand mon mari vous aura tué, il ne vous viendra même pas dans la tête de vous dire qu'est-ce qu'elle va faire, la malheureuse. Comment me tuer? Et vous ne l'aurez pas volé, par exemple. Ah, venez, entrez, champignol. Lui, filons. Et voilà l'homme, il se sauve. Restez là, je vais prévenir le capitaine. Mon mari. Après tout, j'aime mieux ça. Elle, vous, toi, madame. Robert, je vais t'expliquer. Arrière, madame. Oh, honte. La voilà donc, celle que j'ai épousée. Que dis-je? Non seulement je l'ai épousée, mais je lui ai même donné mon nom. Elle s'appelait Chapouillet. Vous en avez fait une champignole. Non, Robert, ne m'accable pas. Oh, misère de moi, misère de moi. Robert. Non, non, non, quand j'y pense, mes cheveux se dressent sur ma tête. Les apparences me condamnent, mais je ne suis pas coupable. Allons donc, vous ne viendrez pas me dire qui n'est pas votre amant. Auguste. Auguste. Auguste, le fils naturel de l'empereur romain. Hein? Oui, qui fait les 13 jours de Potard. Regardez-le, Potard. Le voilà, Potard. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, misère de moi, misère de moi. Non, non, Robert, tu dois confondre. Tu veux parler de monsieur de Saint-Florimond. Saint-Florimond? Il m'a dit Auguste. N'importe. Osez-vous dire qu'il n'est pas votre amant? Mon amant? Jamais. Ah non, non, il me l'a avoué. Lui, c'est faux. Il m'a dit, jamais cette femme n'a rien été pour moi. Jamais. Vous entendez, madame? Eh ben alors? Eh ben, vous n'irez pas me dire qu'un homme qui dit ça d'une femme n'a rien été pour elle? Mais cependant, que veux-tu qu'il dise quand c'est la vérité? C'est vrai? Non, avant de me condamner, laisse-moi t'expliquer. Allez, madame, allez! Robert, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Allons donc! Allons donc! Ah, c'était pour... Ah ben, si je m'attendais à celle-là! Parfaitement. Mais quant à monsieur de Saint-Florimond, il n'a jamais rien été pour moi. Ça, je te le jure. Sur ta tête. Ah non, ça je t'en prie, laisse ma tête tranquille. Eh bien, sur la tête de ma mère. C'est ça, sur la tête de ma belle-mère. Tu étais absent, monsieur de Saint-Florimond me faisait la cour. Et il était précisément là à m'ennuyer quand les gendarmes sont venus t'arrêter comme insoumis. Comment? D'autre part, je pensais, mon mari va être porté déserteur. Alors je me suis dit, payons l'audace et en même temps donnons à ce galantin une leçon dont il se souviendra. J'ai dit aux gendarmes, vous demandez monsieur Champignol, le voici. Est-il possible? Voilà, voilà ce que j'ai fait pour l'honneur de votre nom. Comment c'était pas... À la bonne farce, à la bonne farce. Et voilà comment, malgré ses récriminations, il a été emmené à la place. Oh, mais je comprends tout. À la bonne farce, bonheur de moi, bonheur de moi. Eh bien, es-tu rassuré? Si, je le suis. Oh, demoiselle Chapouillet, vous êtes digne de vous appeler Champignol. Robert. Oh, mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment? Mais oui, le capitaine est persuadé que Saint-Florimond est Champignol. Non. La bonne farce, la bonne farce. Laisse-moi faire, j'ai mon idée. Mais je... Oui, oui, quant à Saint-Florimond, il va me le payer, Auguste. Le voilà, il était temps. Un champignol au corps. Mais quand je vous le disais, mon capitaine... Hein? Celui-là? Oh, allons donc, ça le zurque. Mais vous n'avez aucun point de ressemblance. Enfin, voyons, messieurs, vous qui le connaissez, ce n'est pas Champignol. Non. Oui, oui, eh ben, demandez-le-lui. Approchez, territorial. Comment vous appelez-vous? Allez, allez! Oui, oui, attends, attends, Auguste. Je m'appelle Saint-Florimond. Hein? Parbleu! Mais je le savais bien! Oh, c'est trop fort, ça, mais puisque c'est moi! Encore? Oh. Non, c'est sa crise, mon capitaine. Oh, c'est sa crise! Comment, c'est... Tu vois, c'est vous qui osez dire que... Parfaitement, et je vous défends de dire le contraire, Auguste. Eh bien, vous êtes édifié. Soutenez-vous encore que vous êtes Saint-Florimond? Vous avez raison, mon capitaine. Je suis Champignol. Ah, allons donc. Ah, bon, ben, sacrée, c'est fini. Ça m'est dit donc, Saint-Florimond bizarre. Je n'ai pas de Saint-Florimond dans ma compagnie. Mais en effet, mon capitaine, je ne suis pas soldat. Cet uniforme m'a été prêté parce que j'étais tombé à l'eau. Hein? Comment, lui aussi? Oui, j'étais sur les bords de la brèche et je pêchais à la ligne. Et peut-être vous avez voulu sauter sur un tronc d'arbre où il a fait la face. Parfaitement, parfaitement. Et vlan, j'ai glissé. Glissé? Ben, vous ne le croiriez pas, il m'est arrivé exactement la même chose. Vrai? Parole d'honneur. Il faudra que je fasse couper ce tronc d'arbre. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on s'y viabule? Oh, au fait, arrive Adrienne. Je te présente monsieur de Saint-Florimond. C'était ce chauve qu'on voulait me faire épouser? Mon cher monsieur de Saint-Florimond, j'ai le regret de vous annoncer que ma fille est fiancée à son cousin Célestin. Mais moi, capitaine, j'en suis fort aise. Oh, mais il prend facilement son parti. Quant à vous, Champignol, Vous allez retourner au cantonnement. Voilà, je serai obligé de les faire ces 13 jours. Ah, on ne m'y prendra plus à courtiser les femmes mariées. Et puis, je ne voudrais plus avoir à vous le répéter. Vous avez les cheveux trop longs, mon ami. Il faudra vous les faire couper. Au papier de verre. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter, dans le cycle consacré à Georges Feydeau, Champignol malgré lui, comédie en trois actes, écrite en collaboration avec Maurice Desvalières. Voici quelle en a été la distribution. Saint-Florimond, Pierre Dux. Champignol, André Luguet. Chamel, Pierre Bertin. Le capitaine Camaret, Georges Chamara. Célestin, Michel François. Singleton, Christian Alers. L'adjudant Ledoux, Jean Val. Le commandant Fourageau, Jean Clarence. Le sergent Belouette, Claude Nicot. Le prince de Valence, Claude Riche. Benoît, Léon Larive. La Fauchette, Daniel Secaldi. Joseph, Jean-Fabre Bertin. Le caporal Grosbon, Jean-Paul Coquelin. Le perruquier, Roger Bontemps. Simone Renan était Angèle. Marthe Mercadier, Charlotte. Monique Delaroche, Morissette. Arlette Accard, Adrienne. Roger Thiel, celui qui voit. La musique était empruntée à Florimond Hervé et l'émission réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.